Eh bien, merci beaucoup. Alors, justement, je vais parler peut-être jusqu'à... On a 2 heures. On a 2 heures. Donc, je vais parler à peu près 50 minutes, et puis je vous laisserai la parole après, parce que le but est bien de faire un débat. Puisque, dans ma dernière conférence, j'avais fait des propositions d'entrée, mais surtout, j'avais soulevé le lièvre de la place à faire au débat contemporain sur la définition de la religion, et donc sur l'opportunité ou non de faire une place au point de vue, alors au débat sur le sacré, et éventuellement au point de vue de Girard. Donc, je vous en remercie, mon propos a été compris, puisque vous m'avez proposé le débat Girard et le sacré. Et vous le proposiez selon la forme qui, à mon avis, convient, parce que c'est un débat très compliqué et très long, d'un débat contradictoire, et où j'étais vraiment très avide d'entendre le point de vue d'André Marie. Alors, j'ai une certaine idée de son point de vue, puisque je crois avoir lu assez attentivement son ouvrage « Les anthropologues et la religion », qui me paraît un excellent ouvrage, c'est du très bon André Marie, mais serait tout de même mieux qu'il soit là, parce que comme il ne parle pas de Girard, et que je n'ai lu aucun texte de lui sur Girard, alors c'est un peu difficile de savoir, mais on se fait quand même une idée de ce qu'il peut lui reprocher. Et ici, vu les points de vue assez lévi-straussiens qu'il épouse. Alors, ce débat, je le souhaitais d'autant plus que André Marie était dans mon jury de thèse, puisqu'il était mon prédécesseur à Caen, et que le jury était d'ailleurs présidé par vous, et que, en effet, aujourd'hui, dans le symbolique et le sacré, je défends des positions tout de même notablement différentes de cette époque-là. Et donc, il y a un changement. Alors, est-ce que c'est une dérive, ou est-ce que c'est un progrès? Je me pose quelquefois la question. Je ne suis pas tout à fait assuré. Alors, conscient de ça, j'avais mis à la fin de mon bouquin... C'est un développement, mais peut-être pas organique, comme auraient dit les théologiens. À la fin de mon livre, j'avais mis une liste de thèses en me disant que ça aiderait peut-être à accrocher le débat, mais on n'est plus à l'époque de Luther, et donc les thèses, c'est sans doute passé de mode. Alors, je ne vais pas présenter les thèses de Girard, justement. Il y en a, vous en avez tous entendu parler, il y en a deux fondamentales. La première, c'est la nature mimétique du désir, cause de la violence proprement humaine. Manger une proie, c'est pas de la violence spécialement humaine. Mais le mimétisme, oui, pour Girard, et donc qui se décharge sur des boucs émissaires. Et la deuxième, c'est que la religion est un système de régulation de la violence par des institutions sacrificielles qui seraient le noyau dur des systèmes rituels, d'où sont issues par la suite alors toutes les grandes institutions humaines, la justice, etc. Alors, je ne vais pas légitimer ces thèses ou les défendre, c'est pas mon propos. Je voudrais attirer votre attention sur un débat en amont et un débat en aval. Le débat en amont, c'est le conflit de Girard et Lévi-Strauss. Dans une formulation provocante, Girard dit « il y a tout chez Lévi-Strauss sauf l'essentiel, c'est-à-dire le sacré ». Alors ça, c'est l'attaque de Girard, mais l'explication est plus intéressante, et c'est ce point que je vais développer. Pourquoi Lévi-Strauss ne peut pas saisir le problème du sacré dans les raies de sa pensée, c'est une conséquence de la méthode structurale. La méthode structurale, en tant que telle, ne permet pas de saisir le sacré. Pourquoi ? Parce que c'est une méthode qui repose sur la différenciation. Au bout de cette méthode, on est devant l'esprit humain comme inconscient, codeur, c'est-à-dire discriminant. Donc on est toujours devant une dualité, une opposition simple et claire. Le haut, le bas, le chaud, le froid, le sec et l'humide. Donc on est... Or, Girard dit, le problème du sacré est lié à des états d'indifférenciation. Par conséquent, hors structure. Où il est impossible de fixer la structure. Après, on fixe. Mais avant, c'est pas fixé. Par conséquent, la méthode laisse échapper l'objet. Alors... Autrement dit, la question que Girard pose aux sciences des religions en France me paraît celle-ci. Dans la mesure où le structuralisme a bien représenté, comme d'ailleurs c'est la thèse d'André Marie, une révolution épistémologique, c'est le terme qu'il emploie, et le post-structuralisme sur ce point ne revient pas du tout, ne revient pas sur ce point, bien au contraire, on comprend qu'il y a une espèce de réticence à remettre en cause cette espèce d'acquis de la méthode structurelle. Et donc, vous voyez, pour moi, le problème, ça ne va pas être de justifier la théorie du désir mimétique, qui est tout à fait discutable, hein. Bon, ces racines hegeliennes et tout ça, elle est tout à fait discutable. Je ne vais même pas essayer de justifier que l'origine des institutions est dans le système sacrificiel, hein. Mais je vais essayer simplement de poser cette question de méthodologie et d'épistémologie. Est-ce que le structuralisme est cette révolution quasiment bachelardienne, mais cette rupture épistémologique que prétend Girard, hein, que prétend Marie, ou est-ce qu'on peut le contester, puisque apparemment il laisse de côté une grande partie de l'objet. Donc je vais poser le problème méthodologique. Et si on conteste Lévi-Strauss sur ce point-là, ça amène alors le débat en aval, c'est-à-dire repenser l'apport de la tradition durkheimienne et maussienne, parce que Lévi-Strauss a opéré une rupture avec la tradition durkheimienne. Il a renvoyé Durkheim à une sorte d'archaïsme méthodologique, hein, très scientifique, hein, et donc qui, du coup, invalide les grandes intuitions de Durkheim. Et d'autre part, ça pose la question, est-ce que la lecture que Lévi-Strauss propose de Mauss est-elle définitive? C'est une lecture très créatrice et qui a des appuis très forts dans le texte, mais est-elle définitive? Je n'en suis pas sûr. Et donc, si on pose cette question-là, je dirais, on est amené, ça paraît très ambitieux, mais à refonder l'objet des sciences des religions. Vous voyez ? On est amené à refonder, alors ça paraît presque un peu démentiel de le dire comme ça, mais je le dis comme ça quand même, hein, et ça amène à reposer la question de l'idéologie. Hein, à partir de là, on peut, me semble-t-il, reposer la question de l'idéologie. Voilà les quelques points que je vais essayer d'argumenter. Alors, je serais moins bavard sur le débat avec Marie que s'il avait été là, mais bon. Alors, de toute façon, j'ai fait un texte, hein, vous pourrez quand même le relire tranquillement, parce que je pense que dans des débats un peu longs et compliqués, un exposé ne suffit pas toujours à rebondir sur les points essentiels. Hein, c'est parce que je l'ai envoyé un peu tard, je vous l'ai envoyé le jour de Pâques, alors j'avais bien conscience que ce serait trop tard pour la réunion. On verra, si j'avais pu vous l'envoyer 8 jours avant, bon, c'est pas un texte définitif, mais c'est un document de travail, si vous voulez. Hein, voilà. Alors, je vais, excusez-moi si je pars de ma petite histoire, mais c'est celle que j'ignore le moins. Et donc, je vais vous dire pourquoi moi-même j'ai un peu changé mon fusil d'épaule dans cette affaire-là. Bon, j'ai lu La violence et le sacré, comme tout le monde, avec le plus grand intérêt en 1972. Bon, avec une certaine affinité élective, bien que à l'époque j'ignorais d'ailleurs que Girard était catholique. Mais c'était pas ça le problème, c'était que sa question sur religion et violence recoupait une question que je me posais, moi, à partir de ma lecture des évangiles ou du christianisme ou de ce qu'on reproche à l'Église qui n'a pas manqué d'user de la violence dans l'histoire, hein, et d'autre part, de ce que j'essayais de comprendre de l'Inde aussi, où le problème de la violence est très présent, et qui n'est pas du tout, ou plutôt, si l'Inde est le pays où on a beaucoup parlé de non-violence, c'est parce qu'on sait aussi très très bien le coût de la violence dans les problèmes religieux. Donc pour moi, associer religion et violence n'était ni une nouveauté ni un scandale, si vous voulez, mais au contraire une bonne question, une question qui me paraît, moi, inévitable. Alors j'ai été beaucoup plus gêné par les choses cachées depuis la fondation du monde, parce que là, Girard fait une véritable apologie du christianisme, qui est intéressante, mais qui est quand même très rapide, enfin avec des raccourcis considérables, vous voyez, comme dans ce genre, et donc ça m'a plutôt éloigné de Girard, si vous voulez. Non pas que sur certains aspects de son interprétation du christianisme je ne sois pas d'accord, mais parce que, et donc, et en particulier, ça me convainquait que je ne voyais pas comment on pouvait faire un usage non théologique de Girard. Ça me paraissait le confiner dans sa position d'apologète. Alors, je reconnaissais à Girard le mérite d'avoir rouvert la question du sacrifice à une époque où il n'y avait plus guère que les historiens, et des historiens je dirais, très orthodoxe du point de vue du structuralisme, comme Jean-Pierre Vernant pour la Grèce, hein, ou Madeleine Biardot et Malamud pour le monde indien, qui s'intéressaient au sacrifice. Alors que la sociologie contemporaine, dans les années 70-80, avait complètement déserté ce sujet. On était encore dans le paradigme de la sécularisation jusqu'au bout. Donc, et donc, il y avait quand même une certaine provocation qui, moi, me plaisait plutôt. Mais est-ce qu'on peut faire un usage sociologique de Girard? C'était ça ma question. Et comme je suis venu à l'anthropologie, je ne le cache pas, par Lévi-Strauss, en lisant Lévi-Strauss, quand j'ai fait ma thèse en 95, je me suis bien gardé d'introduire Girard, et j'ai défendu deux thèses qui étaient essentiellement Lévi-Straussiennes. La première, c'est qu'il y avait une théorie du symbole importante dans la tradition durkheimienne, et en particulier chez Mauss, hein, et que c'était là quelque chose qui préparait la réflexion contemporaine sur le symbolique. Et l'autre, je me posais le problème de la définition de la religion. J'avais déjà la conviction que la religion n'est pas un phénomène simple. On peut pas, il n'y a pas d'essence de la religion. On ne peut donc pas définir la religion par un seul caractère. Hein ? Il y a peut-être une essence de la religion pour le croyant. Qu'un chrétien se demande quelle est l'essence du christianisme, c'est peut-être ce qu'il doit faire, mais c'est une position de croyant. Pour un sociologue, les religions sont des composés historiques extrêmement complexes, qui se sont faits avec le temps, qui se défont avec le temps, qui peuvent rentrer dans des crises terribles, et ça me gênait, parce que quand même dans le modèle structuraliste, le modèle c'est la langue, la crise d'une langue n'a rien à voir avec la crise d'une religion. Quand une religion rentre en crise, ça vous pète à la gueule. La réforme, ça a fait des millions de morts. Ça a fait des... Alors que si le français disparaît, ça sera très dommage pour les locuteurs francophones, mais ça ne tue pas nécessairement des gens. Vous voyez, c'est quand même pas tout à fait le même système symbolique. Une langue, il s'en éteint tous les jours. Tandis qu'une religion qui rentre en crise, ça peut être méchant. Ou bête et méchant. Donc, je me disais, il faut... Évidemment, les religions sont des systèmes symboliques, mais il faut autre chose. Et donc j'étais allé chercher à l'idée que c'est un système symbolique régulé par une tradition. Et par la tradition, on est en relation avec une origine, etc. Voilà. Bon. Et donc je me gardais bien d'introduire le débat sur le sacré. Et donc j'ai publié ma thèse, la première partie donc sur l'histoire du symbolique et la notion de symbolique. Ça a été facile. Il en est sorti un bouquin, de Durkheim à Mauss, l'invention du symbolique. Bon, montrer comment l'invention de la sociologie par les durkheimiens a posé des questions inédites à toutes les sciences des religions de l'époque, l'histoire, la philologie indo-européenne, l'ethnologie évolutionniste anglaise, tout ça, hein, et que ça permettait justement de remettre au premier plan les problèmes du symbolique. Ça, c'était facile à montrer, c'était de l'histoire, des idées, des débats et tout ça. Mais quand je voulais publier ma deuxième partie, j'y arrivais pas, enfin, je voyais pas comment me sortir de cette affaire-là, et je ne voyais pas d'intérêt de publier ma thèse là-dessus, parce que je n'étais pas convaincu moi-même, vous voyez. Et je savais bien que j'étais insatisfait et bloqué. Et donc, j'avais acquis la certitude, quand même, qu'on peut pas parler du religieux sans parler du sacrifice, hein. Mais ce qui ne simplifiait pas les choses, j'étais quand même bien devant le fait qu'avec la modernité, on voit le sacrifice quand même, au moins en Occident, complètement sortir de la religion, au moins depuis la réforme. Et donc, obligé de parler d'un sujet qui est devenu presque invisible, hein, ça ne facilitait pas les choses. Et donc, je ne voyais pas comment m'en sortir. Et je ne croyais pas non plus que la théorie générale du sacrifice de Girard puisse être importé comme ça dans ma définition. Alors je ne vous cache pas que c'est Lucien Scubla qui m'a débloqué. Je l'ai rencontré au Mauss, et puis je l'ai écouté dans des petits séminaires qu'il faisait au CREA, à l'ancienne école polytechnique, là. Et je dis petit parce qu'on n'a jamais été plus de 5 auditeurs, hein, mais qui, moi, ça m'a débloqué. J'ai pris une comparaison, là, en l'écoutant, mon petit savoir sociologique fait de pièces et de morceaux, se débloquait, mais à l'inverse d'une banquise qui se débloque en se fractionnant, il se débloquait comme un puzzle dont les pièces éparses finissent par se rejoindre. Hein, et je voyais que ça pouvait prendre une certaine cohérence. Et qu'est-ce qui m'a fait comprendre, lui, c'est que on pouvait faire un usage proprement sociologique de Girard dans l'esprit de la sociologie durkheimienne, s'en servir comme une théorie heuristique pour interroger les textes, hein, y voir des configurations qu'on n'y voyait plus, hein, et construire une sorte d'archéologie des cultures religieuses, mais qui commence par la lecture des textes ethnologiques. Alors, quel est selon moi le bon usage de Girard? Trois critiques me paraissent évidentes et doivent se garder en éveil. La première, c'est que Girard n'est pas un sociologue, hein, ni un ethnologue. C'est tout à fait un outsider avec les avantages et les inconvénients. Donc, ce n'est pas un Lévi-Strauss qui est son grand challenger et on ne peut pas le lire de la même façon. Mais ça n'est pas une façon, ce n'est pas une raison de ne pas tester les critiques que Girard peut faire à Lévi-Strauss. Il se peut qu'il y ait un vrai problème méthodologique entre les deux. Enfin, compte tenu de ses convictions religieuses, qui ont d'ailleurs, à mon avis, le mérite d'être affichées, Girard n'est pas à l'abri d'une surinterprétation des faits religieux, et disons, comme dit très bien Marie dans son bouquin, d'une surinterprétation théologique. Ça, c'est la position du croyant, c'est le risque du croyant, c'est peut-être justement la surinterprétation. Mais s'il y a un risque de surinterprétation théologique des faits religieux, il y a peut-être aussi, et quelquefois de la part de la pensée laïque, un risque de sous-interprétation. Et on ne peut pas dire que Lévi-Strauss est a priori à l'abri de ce risque. Vous voyez ? Donc l'argument est aussi complexe. Donc, une première utilisation qu'on peut faire de Girard, et qui me paraît, moi, tout à fait critiquable, c'est de s'en servir pour christianiser les sciences sociales, selon le sous-titre d'un livre, en effet, dont je ne vous ai pas donné la référence, mais qui est publié chez Lang à Berne il y a quelques années, et qui est une bonne présentation de Girard, et qui pose cette question, est-ce que Girard n'est pas une tentative de christianiser les sciences humaines ? Alors, ce n'est pas du tout dans ce sens-là que moi, je voudrais l'employer. Ce qui paraît tout à fait critiquable. La deuxième usage que fait Girard, c'est de dire, Girard n'est pas un auteur scientifique, c'est un auteur religieux, c'est pas un acteur de connaissance, c'est un apologète, voire avec des aspects quasiment eschatologiques et apocalyptiques, il y a un côté apocalypticien chez lui, qui décrypte la fin des temps, ou la menace sur la fin, et donc il faut le renvoyer à la culture religieuse, il appartient à la sociologie des religions, non pas comme acteur, mais comme objet, Et il rentre tout à fait dans la problématique du retour de la religion, voire de la postmodernité, en particulier compte tenu de sa thématique apocalyptique qui est tout à fait dans l'air du temps. Et on peut le confirmer cette approche par un argument chronologique en disant, il a publié ses bouquins en 72, violence et le sacré, les choses cachées en 78, c'est exactement les années où tout bascule, où toutes les problématiques en Orient et en Occident passent et où commence le thème du dit retour du religieux. Donc, ces deux voies sont possibles puisqu'elles existent, mais elles sont très insuffisantes parce qu'elles enferment Girard dans le religieux quand même. Et donc, à mon avis, elles servent un peu d'alibi pour ne pas écouter la question qu'il pose, et en particulier la question méthodologique. Est-ce qu'il y a un intérêt scientifique dans l'œuvre de Girard ? C'est une œuvre matinée de théologie, je vous l'accorde, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus, peut-être quand même, une ou deux questions d'intérêt scientifique. Et ma réponse, c'est que oui, il y a un intérêt problématologique, méthodologique et épistémologique chez Girard, qui est que et on peut le montrer précisément sur le conflit avec Lévi-Strauss. Donc, c'est vrai que Girard reprend à plus d'un titre la thèse de Durkheim que la religion aurait été la première des institutions proprement humaines, et par là, le noyau de la culture humaine. Mais alors, est-ce que cette thèse est définitivement mise de côté, inintéressante, périmée, par la thèse de Lévi-Strauss, et en particulier telle que la développe très très bien Marie à partir du totémisme aujourd'hui, la religion est un faux objet scientifique. C'est pas un objet scientifique. C'est un faux objet. Et donc, vous voyez, poser le problème Girard revient pour moi à questionner la conviction que le structuralisme de Lévi-Strauss a opéré une révolution épistémologique de type bachelardien dans les sciences de la religion en les débarrassant d'un faux objet, de même que Lévi-Strauss a débarrassé du faux objet totémisme, il a d'une certaine construction religieuse du totémisme, comme un faux objet religieux, il nous a débarrassé de ce faux objet. Et donc, c'est poser la question Girard, c'est accepter, c'est peut-être un peu sacrilège, de remettre en cause cette emprise Lévi-Straussienne. Mais comment faire ? comment on fait. Je vous l'ai dit, pour moi, je ne vais, l'enjeu n'est pas de défendre les deux grandes thèses de Girard, ou de les traiter comme des axiomes et de les promener partout, hein, en les décontextualisant, hein, mais il faut prendre la pensée de Girard comme une question qu'on a intérêt à poser au lieu de la refouler. Et donc c'est ça que j'appelle l'archéologie, d'abord des textes, et puis après, si les textes se révèlent beaucoup plus riches qu'on ne le croyait, plus complexes qu'on ne le croyait, des institutions elles-mêmes. Au fond, je vais me citer ici, mais je dirais, ceci nous invite à un immense travail de relecture de la littérature des sciences humaines depuis 2 siècles, et c'est là le début de mon archéologie. Car les faits décisifs, ils sont sans doute déjà là, déjà présents. Mais sont-ils à leur bonne place? Sont-ils bien vus? Sont-ils exposés dans leur juste proportion? Ou ne sont-ils pas perdus dans les notes de bas de page ou oubliés, comme certains chefs-d'œuvre dans les réserves d'un musée? Il se peut qu'on marche dessus sans les voir. Et donc c'est ça que j'appelle l'archéologie, c'est de regarder au bout de ses pieds. Alors, comment je vais mettre en œuvre cette lecture? Dans le symbolique et le sacré, j'ai appliqué cette méthode, vous pourrez vous y référer si ça vous intéresse, au texte de Bourdieu sur la magie kabyle. Bourdieu nous dit que les kabyles avant l'islam n'ont pas de religion, ils n'ont que de la magie. Ben, quand on regarde les textes que cite Bourdieu, on y trouve justement ce que Girard nous dit qui lui appartient à la religion, c'est-à-dire des histoires de boucs émissaires, il y en a partout. Mais Bourdieu ne les voit pas. Bon. Hein. Ou bien chez Clastre, à propos du chef indien, hein, donc qui est le pivot de sa théorie de la société contre l'État, il y a des scènes extraordinaires que je cite. Hein, en particulier, il y a une scène extraordinaire au soir d'un long cycle rituel qui est l'initiation des jeunes garçons. Puis tout d'un coup, il y a une espèce d'agitation, puis une ambiance lourde qui se met dans le camp, hein, où ils sont réunis. Et puis les hommes bousculent les femmes, etc. Il y a une bagarre, ça crie, les femmes pleurent, elles arrachent les enfants aux hommes et tout ça. Hein. Et puis tout d'un coup, la scène se termine comment? Hein. Il y a le chef qui est tout seul, avec tous les autres, tous les hommes qui sont là en face de lui et qui tiennent la lance, prêts à lui jeter la lance dessus. Alors là, il y a une scène complètement girardienne, hein, où le chef est réinstauré dans sa fonction de chef, comme celui qui met fin à la violence collective, hein, mais on lui fait quand même sentir qu'il y a quelque chose au-dessus de lui. Hein. Et les copains, ils sont là. Alors, la société contre l'État, peut-être, hein, mais c'est d'abord une société qui a affronté, comme toutes les autres, le problème de la violence, et de savoir qui c'est qui commande, et, qui c'est, hein, et le chef qui apaise, etc., puis les femmes après qui viennent. Bon, donc c'est, et Girard, et Clastre qui cherche l'origine de l'État partout, il ne voit pas qu'on est là dans un rituel complètement à la base, peut-être, de la notion de pouvoir. C'est bon. Alors, vous pourrez vous regarder ça dans le symbolique et le sacré, page 739 et suivante. Mais je voudrais prendre 3 exemples chez Lévi-Strauss. Hein. Bon, alors vous savez comment Lévi-Strauss nous dit, l'objet intéressant c'est le mythe, les rites, hein, c'est pas tout à fait important, et le mythe est très intéressant parce que c'est un objet en soi qui d'ailleurs n'a rien à voir avec la problématique religieuse. Hein. Lévi-Strauss sort le mythe du problème religieux. La religion étant un faux objet, hein, et donc le rite n'a rien à nous apprendre, on va le redire tout à l'heure. Et donc, il pousse la marginalisation du rituel dans les dernières pages de l'homme nu, où il avoue que le structuralisme n'a rien d'essentiel à découvrir dans le sacrifice, conduite difficilement compréhensible, qui, dit-il, manque de bon sens, hein, parce qu'elle viendrait contredire et brouiller l'activité intellectuelle sérieuse, hein, qui s'exprime, qui est celle de la pensée sauvage classificatrice, et qui s'exprime normalement dans les mythes et dans le totémisme. Puisque le totémisme, hein, d'ailleurs Marie le résume très bien dans son bouquin, page 107, l'atome totémique se dit sous la forme « l'espèce X est à l'espèce Y, comme le clan A est au clan B ». Donc c'est une analogie de 2 séries, et qui fait de la différence. Par conséquent, ça permet de classer les plantes, les groupes, l'humanité, et d'avoir un cosmos social bien harmonieux. Et la religion là-dedans est une pensée de la confusion, c'est une pensée de la continuité, alors que le mythe construit sur des structures oppositives ou le totémisme sur des analogies, hein, sont des pensées de la discontinuité. Et donc la religion est l'autre du totémisme, comme le rituel et l'autre du mythe. Voyez, il fait éclater l'objet religieux. Ça, je cite Marie, là. Mais en disant l'autotémisme est l'autre de la religion et le, comme le mythe est l'autre du rite, hein, on fait éclater l'objet religieux. Et c'est bien son but, il veut montrer que c'est un faux objet. Hein. Donc, et on peut, ça c'est Lévi-Strauss qui dit ça d'ailleurs, c'est dans la pensée sauvage citée par Marie, mais page 1962, page 296, si la religion est l'autre du totémisme, ou le rituel est l'autre du mythe, on peut sans doute dire qu'ils participent l'une et l'autre de cette illusion du retour à la continuité inaugurale rompue par le mythe. Et dans la pensée sauvage, il montre que dans le totémisme, on ne peut jamais prendre une bête pour une autre. Si je suis membre du clan de l'ours, je ne peux pas appartenir à celui de l'aigle. Alors que dans le sacrifice, tout est mélangé. Le principe fondamental, c'est le principe de la substitution dans le sacrifice. Et là, il cite un passage très célèbre de la Nuer Religion d'Evans Pritchard, hein, où il donne le cas des Nuer qui remplacent le sacrifice d'un bœuf par celui d'une chèvre, d'une poule ou d'un poussin ou même d'un œuf ou d'un concombre. Hein. Et comme le dit Marie, Lévi-Strauss en tire la conclusion que le sacrifice fonctionne à la continuité alors que le totémisme fonctionne à la discontinuité. Donc le totémisme, comme le mythe, est fondateur de la culture et le rituel n'appartient pas à la fondation de la culture. Alors avec cette différence que si on n'a pas de concombre, on ne sacrifie pas un bœuf à la place du concombre. Le concombre peut remplacer le bœuf, mais le bœuf ne peut pas remplacer le concombre. Hein? Donc, il y a un principe d'asymétrie dans le religieux, qu'il n'y a pas dans le totémisme. Dans le totémisme, il est purement différentiel. Or, bon, vous lisez ça, vous... alors la démonstration des Michons est très brillante, comme d'habitude, mais si vous lisez la Nuer Religion un peu plus loin, ben, vous avez quand même des doutes. Parce que page 184, de Nuer Religion, qu'est-ce que nous dit Evans Pritchard? Et on voit que Lévi-Strauss n'exploite pas du tout cette veine. Ces sacrifices, chèvres, concombres, bœufs, interviennent en cas d'inceste. Quand c'est un petit inceste, peu grave, on fait boire une potion spéciale au coupable, un incest medicine, un antidote, dont certaines gens prétendent disposer. Et il est conseillé de faire un sacrifice d'un concombre ou du fruit du sausage tree. Alors je ne sais pas s'il y a des africanistes parmi vous qui connaissent ce que c'est qu'un sausage tree, mais bon, je ne sais pas. Mais bon, là, moi, saucisse, je pense que c'est en français et dans la classification. Mais ce qui nous dit Evans Pritchard, on coupe le concombre en deux. Hein, on en jette la moitié gauche. Et on pressure la partie droite du concombre. Hein. Et on en tire un jus qui est employé comme un médicament qui doit être absorbé par les coupables et qui nettoie la faute. Alors je ne sais pas comment ça nettoie. Est-ce que ça purge? Est-ce que ça lave? Ça, Evans Pritchard ne donne pas des détails. Bon. Et puis, si c'est un inceste major incest, cet antidote n'est pas considéré comme une protection suffisante, ni une offrande végétale comme un sacrifice suffisant, nous dit Evans Pritchard, et on sacrifie une chèvre ou un mouton, et pour le cas les plus graves, un bœuf, mais alors sans délai, et un chef à la peau de léopard, le personnage le plus sacré de la société noire, doit conduire la cérémonie. La bête est tuée en étant coupée verticalement en deux parties, de la tête à la queue. Ensuite, les coupables boivent le remède à l'inceste, toujours l'inceste medicine, mélangé à la bile, gale, le fiel, hein, de la victime. On parle de toutes ces coupures comme de Bakenerual, la coupure cutting ou la division splitting en deux de l'inceste. Alors, là, on a un cas tout à fait intéressant. L'exemple montre comment Lévi-Strauss évacue le religieux et la pratique sacrificielle en les refoulant dans le non-sens, alors qu'il est clair qu'il y a une hiérarchie des sacrifices à faire proportionnée à la gravité de l'inceste. Mmh. Et c'est pour ça qu'un bœuf, on ne remplace pas un concombre par un bœuf. Hein. Parce que quand vous avez une amende de 500 balles à payer, vous n'allez pas en payer une de 5000. Hein. Donc là, il n'y a pas... Voilà, il y a une hiérarchie, parce qu'il y a une hiérarchie de la gravité, évidemment. Hein, et c'est comme notre système d'amende. Bon. Ensuite, il escamote le fait que ce ne sont pas seulement des écarts différentiels entre des qualités sensibles ou des formes qui servent à faire du discontinu, mais des gestes des scénarios rituels, et au premier chef, le geste fondamental du sacrifice qui est de couper. Sacrifier, c'est d'abord couper. Et l'essentiel du religieux est là, il est dans la coupure initiale. Pourquoi on coupe ? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a coupé ? Mais il y a une coupure. Et donc il y a du discontinu dans le religieux. Mais c'est pas du discontinu intellectuel, justement. Voilà, c'est ça. C'est un discontinu qui joue sur des forces. C'est pas seulement penser, il faut que ce soit agi. Et c'est pour ça que c'est ritualisé. Hein ? Bon. Pardon, et pourquoi ici ? Dans le sacrifice védique, il y a... Pardon ? Dans le sacrifice védique, on ne coupe pas, comme vous le savez. Dans quel ? Dans le sacrifice védique, on ne coupe pas. Oui, mais il y a des séparations. Il y a d'autres séparations. D'abord, par exemple, on commence par faire l'air sacrificiel. Oui, mais d'accord. Mais il y a de la. Oui, oui. Mais vous avez raison. Mais on se garde bien de couper dans le. Oui, oui. Mais il y en a ailleurs. Faut aller les chercher. Il y en a plus. Voilà. Alors, elle n'est pas forcément sur la victime. Vous avez tout à fait raison. Mais il y a de la coupure. On peut expulser. Et se garder de bien couper la victime, parce qu'il y a des tabous du sang ou des choses de ce genre, mais on va l'expulser, donc séparer. Il y a toujours une séparation. Peut-être pour être plus général que le mot de coupure. Il y a une séparation. Donc ça crée du discontinu. La création de discontinu. Et donc, l'inceste est une conjonction excessive, une confusion qui abolit une distance et un interdit dans la parenté. Il faut donc retracer une séparation. Et donc... J'ajoute que l'identification des nuers à leur bétail est extraordinaire. C'est un quasi humain, le bœuf. C'est ce qu'il y a de plus proche du nuer, c'est son bœuf. Alors, vous voyez que le sacrifice du bœuf, il va très loin. Enfin, on voit ici la proximité de la religion, y compris sacrificielle, et de la thérapeutique. Le sacrifice se combine avec le remède, ou le remède avec le sacrifice, puisqu'il en fournit des matières premières. On remarquera enfin que si le concombre ou le bœuf peuvent avoir un sens dans la culture nuer, ils ont un autre sens dans le système sacrificiel, puisque le concombre est coupé en deux et que la partie gauche du concombre est jetée, et elle est jetée, vous voyez bien pourquoi, parce qu'elle prend l'impureté de l'inceste, alors que la partie droite est gardée, et vous voyez bien pourquoi, parce qu'elle contient un jus qui est considéré comme un remède et qui est donc médicinal. Donc le même, quelle que soit la symbolique du concombre dans la culture nuer, ou du bœuf d'ailleurs, dans le sacrifice, il prend un autre sens, puisque là, une fois qu'il est coupé en deux, une partie va être négative et expulsée, et une partie va être positive et absorbée. Mais c'est les deux sacrifices du bouc émissaire, celui qui est envoyé au désert, Exactement. Et celui qui est... Bien sûr, et donc là on est au cœur, absolument. Mmh. Et voyez comment une théorie de l'archétype à la façon d'Eliade, il n'y a pas le concombre en soi qui serait un objet sacré, il y a une partie du concombre qui est du sacré positif qu'on garde, et une partie qui est du sacré négatif qu'on balance. Et donc, il y a ce que j'appelle une pharmacologie, puisque le concombre est un pharmacone, ou le bœuf, dont une partie est un poison, comme l'inceste, et on va transférer l'inceste sur lui et il part, et une partie est un remède qui va être absorbé. Et c'est bien les deux sens du mot pharmacone. Mais vous voyez comment, pour le Lévi-Strauss, le remède et le poison, c'est une opposition structurale, alors que dans le système Neuer, ça se joue par la pratique sacrificielle sur l'objet concombre, sur l'objet, et c'est le sacrifice qui dit où est l'impur et le pur, où est le dangereux et le pas dangereux, où est le confus et le distingué. Vous voyez, il opère, il est opératoire. Et la structure n'est pas d'abord mentale, elle est pratique. Elle est faite par une pratique. Et donc, cette ambivalence essentielle d'une même chose qui peut tuer ou sauver, qui peut empoisonner ou remédier, être bonne ou méchante, poison ou remède, selon le contexte rituel et l'usage, c'est le cœur du problème du sacré, c'est le cœur du problème religieux, comme de son lien d'ailleurs avec la politique et la thérapeutique. Et c'est ce cœur ambivalent que la méthode structurale laisse tomber et que je vais appeler par la suite la valeur pharmacologique. Pharmacone, remède, poison. Bon. Vous voyez, ce débat entre Lévi-Strauss et Girard est d'autant plus étonnant qu'ils partagent la même idée de la culture. Lévi-Strauss écrit que conçu comme un système de différenciation. Là-dessus, ils sont complètement d'accord. Lévi-Strauss écrit, dans quelque domaine que ce soit, c'est seulement à partir de la quantité discrète qu'on peut construire un système de signification. Et c'est page 60, 1964. C'est tout à fait. Girard est tout à fait d'accord. Le problème, c'est de savoir où se fabrique la différenciation sociale. Pour Lévi-Strauss, dès lors que c'est pensé, c'est agi. Finalement, tout ça renvoie à des structures duelles du cerveau humain. Pour Girard, c'est une institution, il faut que ça s'impose au groupe. C'est donc ça passe par un rapport de force, symbolique ou réel. Et donc une adhésion à un système que moi je vais appeler pharmacologique, c'est-à-dire qui dit ça vous le refoulez, ça vous pouvez le prendre. La différenciation n'est pas qu'une opération mentale. Le structuralisme est un idéalisme et qui ne peut pas avoir de ce fait-là parce qu'il recrée des essences intellectuelles. Vous voyez, les structures, le haut, le bas, c'est des sortes d'essences. Le problème, c'est que la structure est une différence, mais il n'y a pas de différence sans différenciation. Et donc, il faut la produire. Et une différence sociale, c'est une organisation sociale, ça met en jeu des forces, et pas seulement une pensée. Et le structuralisme, de ce point de vue-là, a une réponse tout à fait idéaliste. Le deuxième exemple que je pourrais vous donner, c'est le mythe d'Édipe. Hein, Lévi-Strauss, 1958, l'anthropologie structurale, page 235 et suivant, il nous dit, qu'est-ce que c'est le mythe d'Édipe ? C'est la réduction d'une contradiction logique entre deux modes de récit, les uns qui expliquent que les hommes naissent selon une parenté, et les autres selon une autochtonie. Au sens ancien, des Grecs, hein, ils sortent des cailloux. Alors il y a une contradiction. Bon, contradiction. Alors, c'est vrai que cette thématique est dans le texte, mais est-ce que c'est le cœur du mythe d'Édipe ? Pour Girard, évidemment, l'Édipe de Sophocle, hein, c'est l'histoire en deux temps d'un roi qui redevient un bouc émissaire et qui, en redevenant un bouc émissaire, nous révèle quelle est l'origine sacrée de la monarchie, hein, qui était justement d'avoir été un bouc émissaire, promu et conservé. Hein. Et donc, le drame d'Édipe, hein, c'est que justement, après avoir libéré Thèbes de la sphinx, là, du sphinx, hein, donc d'une peste, d'un poison, hein, devenu roi, ayant commis son histoire, il redevient lui-même la cause de la peste, hein, et donc il va être obligé de quitter. Et donc on est bien là dans une logique qu'on peut appeler, c'est le mot que je vais prendre, encore une fois, pharmacologie. Mais ici c'est un pharmacos, et non pas un pharmacon, c'est-à-dire un poison humain et un remède humain. Alors, vous voyez que le travail, c'est un travail de relecture. Il faut reposer les questions, et alors l'exemple qu'on peut prendre, j'en ai écrit un article que je vais mentionner là, mais bon, enfin une communication. Je crois, comme Lucien Scubla le proposait dans une recension du livre d'Emmanuel Desvaux, il faut réécrire les mythologiques, non du point de vue du rituel. Non pas prendre, comme l'a fait Lévi-Strauss, un mythe témoin auquel il essaie de raccrocher tous les mythes, ce qui est à faire et ce qu'il a bien fait, mais on pourrait reprendre un rituel, un grand rituel, et puis essayer de voir après, de proche en proche, comment tous les rituels peuvent peut-être aussi s'emboîter. Et d'ailleurs, Girard mentionnait qu'il y avait une autre lecture à faire des mythologies où on voit le travail de la violence. Il y a tout l'inquiétant de la genèse du mythique et du sacré que Lévi-Strauss n'a pas relevé. La quantité d'inceste, hein, de vengeance, de trahison, de meurtre, de monstre, de décepteur qu'il y a dans toute cette mythologie. Et par exemple, il y a quand même des choses qui collent mal avec le structuralisme standard. Lévi-Strauss lui-même explique que dans le mythe Baïto-Gogo, le mythe numéro 2, comme dans le mythe de référence numéro 1, l'incestueux apparaît moins coupable que l'époux aux Français qui cherche à se venger. Or, si on était dans la logique des structures élémentaires de la parenté où il n'y a qu'un tabou pour infonder les sociétés humaines et quel tabou de l'inceste, eh ben, il n'y aurait pas de plus grande faute que la faute que l'inceste. Et par conséquent, le mari qui se venge ne serait pas coupable. Si le mari qui se venge est plus coupable que l'incestueux, c'est parce qu'il y a un tabou de la violence. Mmh. Et donc, et il est chez nous aussi. Enfin, si vous allez désinguer votre voisin parce qu'il a couché avec votre femme, ben la justice vous dira, vous avez peut-être été lésé, mais il y a un tabou de la violence, vous ne pouvez pas vous faire justice comme ça. Donc il est quand même là, le tabou de la violence. Mais il n'est pas là dans les structures élémentaires de la parenté. Mais il est là dans le texte mythique. Et c'est Lévi-Strauss qui dit ça. Hein. L'incestueux apparaît moins coupable que les offensés qui cherchent à l'enfer. Chaque fois, en effet, la vengeance, non l'inceste, appelle la sanction surnaturelle. Surnaturelle. C'est Lévi-Strauss, ça. Page 63. Mais dans le cas de l'inceste, il n'y a pas de vie en jeu. Il n'y a pas de... De vie en jeu, alors que dans la vengeance, oui. Oui, ben, il n'y a pas de vie en jeu. Ah oui, ben oui. C'est oui, quand même ça. Et dans la nature, c'est quand même souvent ça. C'est le principe de la vie qui l'a. Bien entendu. Donc, oui, mais absolument. Mais ça veut dire qu'il y a quand même bien un tabou de la vengeance pour les Indiens qui est très important. Et qu'il n'y a pas qu'un tabou dans les sociétés humaines. Il y a une sorte de réduction du tabou chez Lévi-Strauss, hein, et ramené à l'échange. Mais donc, c'est quand même un vrai problème. Il donne un exemple de rituel extraordinaire, Lévi-Strauss, qui, à mon avis, permettrait de toute cette réécriture. J'avais commencé, mais c'est très difficile, parce qu'il faudrait retrouver tout ce que Lévi-Strauss a lu. Oui, alors ça, c'est hein. Et alors déjà, c'est pas des... Il y a des archives de Lévi-Strauss. Je sais pas, mais il faudrait retrouver toute la documentation et puis voir comment il a lu les sources. Alors ça, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de candidats. Mais s'il y en a parmi vous que ça tente, mais il prend un exemple extraordinaire qui est le rituel du grand jeûne des Charentais. Les Charentais, c'est des Indiens qui habitent le sud de l'Amazonie, là, à l'ouest du continent sud-américain. Et, alors je vous en donne quand même quelques petits bouts, vous allez voir, moi je ne vais pas pouvoir développer ça, vous lirez ça si ça vous intéresse, mais dans la croyance des Charentais, les périodes de sécheresse, écrit Lévi-Strauss, étaient dues à la colère du soleil envers les hommes. Afin de détourner sa fureur, ils célébraient une cérémonie que sa durée et sa rigueur plaçaient en tête de leur rite. Ça, c'est parfaitement exact. Composé de jeûnes, de chants ininterrompus, de privations de sommeil pendant 3 semaines, c'est pas de la rigolade, qui devaient être suivis de visions nécessaires au succès, sinon on recommençait les ascèses. Voilà. Et puis après, il y avait une chasse collective, une distribution de nourriture et une course à la bûche. Une sorte de course de relais à la bûche. Alors, Lévi-Strauss veut expliquer de toute force que le problème pour lui, c'est la question de Lévi-Strauss, c'est pas le rituel charenté, c'est d'expliquer, de comprendre le mythe d'origine de la cuisine, principe de la civilisation, de différenciation de l'humain et du sauvage, passage de la nature à la culture, fondé sur la médiation du feu qui transforme le cru en cuit. Et donc, il veut montrer que le rituel suppose la distinction de deux feux, dont l'un est bon, et culinaire, et l'autre est un feu mauvais. Et donc, le grand jeûne des Charentais semble, dit-il, respecter un schème que le déroulement du rituel rend manifeste. Ce schème repose sur une distinction entre un bon et un mauvais feu. Le second seulement résulte d'une action trop directe du soleil sur la terre. Il faut donc d'abord persuader le soleil de s'éloigner, et ses résultats, une fois obtenus par les mortifications, se rapprochaient modérément de lui en grimpant au mât, il dressait un mât, pour qu'il concède aux hommes les deux éléments complémentaires capables d'opérer une médiation entre le ciel et la terre, le feu de cuisine, qui est le bon feu, hein, grâce à la fibre enflammée servant à rallumer les foyers, et la pluie de l'autre promise par le soleil. Alors, Lévi-Strauss essaie d'expliquer qu'il y a deux feux, un bon et un mauvais. Alors, moi je pense, et vous épargnez peut-être la démonstration, mais je crois que là, il est victime de son dualisme de pensée, je crois qu'il n'y a qu'un feu. Et qu'il n'y a qu'un feu qui est le feu du soleil. Mais selon que le soleil est trop près, il devient brûlant, donc destructeur, sécheresse, et il va embraser l'univers, etc. Ou il devient trop loin, et à ce moment-là, la vie s'éteint aussi, parce qu'on ne peut plus faire la cuisine, on n'a plus de feu, on meurt de froid, etc. Et donc, il y a un seul feu. Et alors, la question, c'est de savoir s'il y a deux feux, trois feux, parce qu'il parle d'un feu sacrificiel dans un mythe. Ben, il n'utilise pas pour explorer le... Or, dans un mythe d'origine, il est dit que les ancêtres lignagiers se jettent dans un bûcher. Alors, il dit, c'est un mauvais feu. Moi, je demande à voir. Hein, est-ce qu'il a un rapport avec le feu de cuisine? Est-ce que c'est sans doute un feu sacrificiel même? Ou est-ce qu'il n'y a qu'un feu? Et donc, moi, je pense que pour les bichons, il y a deux feux qui s'opposent comme le bon et le mauvais, mais pour moi, il y a un seul feu, qui est le feu du soleil, qui est ou bon ou mauvais selon la distance avec le soleil. Et cette distance, elle est réglée par le rituel. Si le soleil s'approche trop près de la terre, eh ben les Indiens jeûnent et ils éloignent le soleil. Et puis, de crainte qu'il n'y ait plus de feu pour allumer leur cuisine, eh ben ils dressent un mât et ils vont chercher le feu, le bon feu, avec lequel ils vont allumer. Donc c'est le rituel. Il y a une ambiguïté fondamentale du feu, du soleil, de la nature, etc., qui n'est pas une opposition structurale, qui est une sorte de plasticité qu'il faut coincer dans un rituel qui va fixer les choses. Et donc, d'ailleurs, les Cherentais ne sont pas les seuls à croire à l'ambivalence du soleil. Et c'est pas là que le soleil est sacré. Il est sacré parce qu'il est ambivalent. Lévi-Strauss dit, les Kayapos aussi voient dans le soleil un ancien persécuteur de l'humanité. Très intéressant comme formulation. Ancien persécuteur de l'humanité. Donc, il a voulu détruire les hommes ou leur faire du mal. Mais c'est fini maintenant. Pourquoi c'est fini? Parce que le rituel fonctionne. Et vous reconnaissez là la figure du bouc émissaire. Les boucs émissaires est toujours un agresseur déjà. C'est toujours quelqu'un qui commence par vous en vouloir. Mais si on réussit la manipulation rituelle qu'il faut, il devient un bienfaiteur. Donc il y a peut-être un élément pharmacologique dans ces affaires-là. Alors, je ne vais pas vous... Donc, je crois que... Bon, il y aurait plein d'autres éléments sur la chasse collective. Lévi-Strauss oppose chasse collective et rituel. Ils ont raison, les structuralistes ont raison de ne pas trop vite mettre du sacrifice partout. Et une chasse collective, ce n'est pas d'abord un sacrifice. Mais on peut montrer aussi qu'il y a quand même toujours des traces sacrificielles dans les chasses collectives. Par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors... J'aurai ici toute une partie de discussion avec André-Marie sur la révolution structurale. Là, on touche au cœur du débat épistémologique. Marie nous dit que le structuralisme a opéré une révolution épistémologique en deçà de laquelle on ne peut pas revenir. Et il a raison, et quelque part. Et en particulier, il fait complètement sien l'argument de Lévi-Strauss. Que Durkheim, dans son interprétation de la religion par l'effervescence, a commis une pétition de principe. Alors vous pouvez voir Marie dans son livre de 2010, page 107-109. Or, Girard amplifie cette pétition de principe, puisqu'il donne une ampleur inouïe à la théorie durkheimienne de l'effervescence. Or, Lévi-Strauss en a fait une critique que Marie a bien résumée et reprend à son compte non sans raison. L'évocation de cette effervescence du milieu social d'où serait née l'idée religieuse, décrite en termes d'état affectif ou émotionnel collectif, représente une grande concession au mythe d'origine. Et Marie de conclure, l'argument de pétition de principe est sans appel. On se donne comme prémisse, ici, le contexte cérémoniel et social, ce qui résulte de l'idée religieuse à expliquer. On explique la religion par l'émotion, alors que, nous dit Lévi-Strauss, c'est la religion qui crée l'émotion religieuse. C'est le rituel qui entretient l'émotion. Par conséquent, l'explication est circulaire. Alors là, il y a une objection forte, dans la mesure où Girard lui-même semble bien refaire un grand récit d'origine. Mais je pense que Girard est plus prudent que ça. D'abord, il ne tombe pas dans la pétition de principe de Freud. Freud en disant que le meurtre... C'est Freud qui a relancé l'hypothèse du meurtre originel. Mais Freud en disant que c'est le meurtre du père suppose évidemment qu'il y a une société puisqu'il y a un père. Et donc là, il y a bien une pétition de principe. Girard ne dit pas ça. Girard dit, il y a des boucs émissaires. C'est un phénomène récurrent. C'est pas un phénomène originel. C'est un phénomène récurrent qui permet une ambivalence et une interprétation, et qui s'est répété X fois, on ne sait pas. Donc ce n'est pas un récit unique. Il ne dit pas du tout ça. Il dit qu'il y a un mécanisme, mais il n'est pas le mécanisme d'un grand... Il n'y a pas de grand récit du bouc émissaire. Il y a des histoires de bouc émissaire qu'on saisit à travers des mythes, à travers des bribes et des morceaux, mais ce n'est pas un grand récit. Ensuite, alors, Marie dit très justement que derrière ce débat sur l'effervescence, Lévi-Strauss récusant l'explication du religieux par l'effervescence, il y a un conflit épistémologique. Précisément, Durkheim accepte une pétition de principe que Lévi-Strauss, en bon scientifique, récuse. Alors, je pourrais vous lire le texte. La divergence majeure dans ce dialogue de sourds entre Lévi-Strauss et Durkheim porte sur les modes de pensée, les manières de comprendre et d'expliquer. D'un côté, un modèle d'explication fondé sur la genèse, un modèle génétique, donc qui enferme dans une circularité, et de l'autre, une pensée structurale analytique qui ne voit dans cette circularité qu'une pétition de principe. Alors, je dirais que je suis d'accord que Durkheim interprète les faits religieux. Contrairement à la méthode des règles, Durkheim, face aux religieux, est bien obligé d'interpréter. Je suis d'accord que dans toute interprétation, il y a une part de circularité. Mais c'est le conflit du structuralisme et de la pensée historique. Toute histoire comporte une dimension herméneutique. L'historien qui veut expliquer au moins en partie la République par la Révolution française fait une pétition de principe puisqu'il est pris dans la République. Il part forcément du présent. A-t-il tout faux pour autant? Vous voyez, on met un abîme entre expliquer et comprendre. Et donc, on veut expliquer. Donc, moi, je dis, on n'explique pas bien ce qu'on n'a pas bien compris. Et donc, en n'ayant pas compris le problème de l'ambiguïté au cœur du religieux, on explique autre chose que le religieux. Mais on n'explique pas le religieux. Et c'est ça ma réponse. Et donc, il ne faut pas transformer en abîme la différence entre expliquer et comprendre. D'autre part, moi je pense qu'il y a un problème, de la mémoire. Lévi-Strauss, ça sera ma conclusion tout à l'heure, refonde le rationalisme. Il refonde toutes les institutions sur la pensée humaine, sur un cogito, cogito impersonnel, mais cogito, cogito inconscient, il refonde le rationalisme. Or, ce qui est en cause dans les institutions des sociétés de l'oralité, et c'est là qu'est l'ambiguïté de l'homme défini par la parole. L'homme est défini par le logos, tout le monde est d'accord, mais quel logos? Nos rationalistes modernes mettent derrière le logos, ils mettent la pensée qui se pense, ou ils mettent l'inconscient structural. Or, le logos des sociétés traditionnelles, c'est la poésie, c'est l'épopée. C'est la parole homérique, c'est-à-dire c'est la mémoire collective. Les rationalistes mettent le centre de l'homme dans l'intellect, alors que dans les sociétés traditionnelles, il est dans la mémoire, et dans la mémoire collective qu'entretiennent les rites, et que structurent les rites. Il y a un déplacement anthropologique, là, qui me paraît, moi, fondamental, et auquel on ne peut pas... On ne peut pas le laisser faire sans le... Alors, c'est pareil sur le problème du mana. Marie épouse la théorie du signifiant flottant de Lévi-Strauss. Bon, elle est très riche, elle est très intéressante, mais elle fonde un scientisme, et elle fonde la disparition du religieux. Bon, il y a du mythe tant que ça flotte dans les significations, parce qu'on a plus de signifiants que de signifiés. Donc le monde doit signifier quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et donc le progrès de la pensée, c'est de fixer les signifiés sous les signifiants. Bon, c'est une théorie très intéressante. Girard a une autre théorie qui est non moins intéressante, c'est celle du signifiant transcendantal, et qui pour Girard, c'est le cadavre. Ce qui est un signifiant flottant dont on ne sait pas ce qu'il veut dire, c'est le cadavre humain. C'est le cadavre du bouc émissaire devant lequel le groupe s'arrête en disant il était vivant, puis maintenant voilà, qu'est-ce qui s'est passé là? Et qu'est-ce qu'on fait de ça? On le bouffe, on le taille, on le brûle, on s'en défait, etc. Alors ça, là, il y a une pensée du rituel possible. Parce que c'est quand même un phénomène humain, qu'il n'y a pas de société humaine qui laisse pratiquement, qui abandonne le cadavre. C'est ce que font les animaux. Mais les hommes se regroupent autour du cadavre. Ils le mangent, ils le cuisent, ils le découpent. Mais pourquoi ils s'acharnent dessus? C'est parce qu'il y a un signifiant embarrassant et qui ne répond pas de son signifié. Donc là, je crois qu'il y a aussi un élément important de ce débat. Alors, vous voyez, je crois encore une fois que le succès de Lévi-Strauss vient de ce que, après une époque épouvantable, enfin les ruptures et extrêmes de la Seconde Guerre mondiale, Lévi-Strauss a refondé le rationalisme cher à la pensée française. On peut le comparer, quittant l'Europe du nazisme et de la guerre pour les Amériques, où il crée son système, à Descartes engagé dans la guerre de 30 ans, conséquence des guerres de religion dont son système ne dit mot, mais qui refonde un monde propre et sensé dans son poêle sur la base de la pensée qui se pense, objet absolu par excellence. Et la pensée qui se pense chez Lévi-Strauss, c'est Lévi-Strauss pensant les mythes. Ah. Alors, l'œuvre de Lévi-Strauss me paraît donc une tentative de refonder une version du rationalisme et du scientisme moderne pour retrouver l'élan de la connaissance de l'optimisme de la connaissance par-delà le désastre historique. Il refonde les notes du rationalisme français, rigueur et clarté, intellectualisme, confiance dans le progrès de la connaissance, universalité humaine. Alors que, par ailleurs, Lévi-Strauss, quant à lui, est d'un pessimisme absolu sur le devenir de notre monde. Ces dernières paroles-là, hein, je vais quitter un monde que je n'aime pas. Hein. Et donc, là, il faudrait quand même parler du bouquin de Stoïchkovski, là, vous l'avez vu. Je vous en redirai un mot en conclusion. Alors. Ouais. Et donc, la pensée de Lévi-Strauss sur les religions a été si bien reçue parce qu'elle ne posait aucune question à une société sûre d'être sortie de la religion et pacifiée par sa laïcisation. Sa pensée est parfaitement laïque, en ce sens qu'elle œuvre comme une entreprise de neutralisation du religieux. Mais les structures du religieux ne sont-elles que des oppositions intellectuelles, alors que dans les conditions de l'action, elles refoulent et elles hiérarchisent. Or, Lévi-Strauss a poursuivi et même étendu à des sociétés autres le processus d'intellectualisation de la religion, qui est en cours depuis le rationalisme du XVIIe siècle, hein, qui la neutralise et qui a pris la forme que l'on sait avec la modernité occidentale, tout en se posant sincèrement, et il a vu la contradiction, je pense, à la fin de sa vie, tout en se posant sincèrement en défenseur des sociétés traditionnelles, sa présentation sécularise ces sociétés et leurs croyances plus qu'elles ne le sont. On est passé aux antipodes des positions religieuses et missionnaires d'antan, qui les voyaient dominées par la magie et la sorcellerie, si ce n'est par le diable en personne. Circuler, répond le maître, il n'y a jamais eu là rien à voir, ce n'était qu'un effet d'optique ou d'illusion d'observateurs prévenus. Mais en coupant leurs mythes des rituels, en les traitant comme des énoncés désormais disponibles dans des écrits détachés de leur lieu institutionnel de production, ils contribuent à les transformer en littérature et donc à les séculariser, fût-ce pour la noble cause de les mieux préserver en les faisant entrer à la place qui leur revient en effet dans une bibliothèque universelle des productions de l'esprit humain. Mais n'est-ce pas encore poursuivre la mission de l'Occident, séculière cette fois, que d'étendre cette forme de neutralisation en séparant la culture de la société et les deux de la religion, ramenée à une variante d'activité intellectuelle, de vision du monde, et en gardant le mythe comme un objet absolu, c'est-à-dire un objet esthétique. Objet absolu, ça vient quand même de l'esthétique des années 20-30 qui ont tellement marqué les Lévi-Strauss. Voilà, bon, pour mon premier volet. On peut peut-être faire une pause et déjà discuter. Je vous dirai peut-être quelques trucs après, parce que... Donc vous voyez, je crois que mes trois exemples montrent comment la méthode structurale évite de poser la question du religieux. Et donc après on dit c'est un faux objet. Je trouve que c'est très intéressant de suggérer qu'il s'est rendu compte à la fin de sa vie, oui, de la contradiction absolument fantastique, oui, dans laquelle il s'était lui-même... Ben, je crois qu'il il s'en est rendu compte indirectement. Et alors, si j'ai le temps d'aller plus loin, de vous donner la suite, oui, je reviens, ça sera ma conclusion, je crois. Et c'est ce qui apparaît dans le livre de Stoïchkovski. Parce que quand il a changé son discours, sur c'est le scandale créé par... il n'a pas vu que ça tenait au problème religieux, mais il a touché le problème religieux indirectement et sans le vouloir quand il a dit... Il faut autoriser les sociétés traditionnelles à se séparer, à se mettre de côté, à se préserver. alors que dans le premier texte, race et culture, race et histoire, hein, il avait dit, bon, voilà, détruit l'idée de race, etc., comme non scientifique. Et alors, ça allait dans le sens de l'après-guerre de l'UNESCO, hein, brassage des cultures, mondialisation, ouverture. Hein, et puis, dans race et culture, hein, il dit, ben, on a le droit de préférer une culture à une autre. Hein, et on a le droit, pour certaines raisons, de se refermer sur sa culture, ne serait-ce que pour ça. Et donc, il touche le problème de la séparation et de la différence, et d'une différence qui n'est pas qu'intellectuelle. Et donc là, et alors ça a fait scandale. Et lui-même, je crois qu'il s'est arrêté là, parce que sinon c'est tout. Parce que vous voyez, le structuralisme ne permet pas de penser ce problème-là. Mais là, vous voyez les effets du structuralisme de façon générale dans la culture occidentale à partir des années 60, c'est-à-dire ce blocage qu'il a représenté par rapport aux religieux, oui. Vous en faites un phénomène français ou un phénomène qui va se répandre à une échelle plus grande. Ah ben ça déborde l'exemple français, mais l'exemple la France est toujours très paradigmatique en matière de religion. Oui, quand il s'agit d'aller dans un excès, vous voyez, les Français ont le goût de l'excès religieux ou non religieux ou anti-religieux. Ils ne peuvent pas penser le religieux calmement, à distance, en disant c'est un objet comme un autre. Donc le structuralisme, en rayant le problème de la carte, ça y est, c'est bien passé. Quand André Marie dit finalement la religion, avec le tournant structuraliste, la religion est considérée comme un faux objet scientifique. C'est un tournant. Pour lui, c'est un tournant. Ah, c'est un tournant. C'est un tournant que l'anthropologie vit de façon générale. Oui, lui, il propose un tournant. Ah, c'est alors, extrêmement important. Vous allez voir, moi je pense qu'il y a une difficulté chez Marie, et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas là, parce que... On aurait eu un début, non mais il se pose peut-être des questions, il a raison, et moi je m'en pose aussi, je ne prétends pas du tout que ma position sur ce que j'affirme soit plus solide que la sienne, mais je pense que, je vais vous le dire tout à l'heure, dans son bouquin, il y a quand même deux auteurs qui dominent le débat, hein, et qui ont une position inverse. C'est Lévi-Strauss qui nous dit il a fait la révolution bachelardienne, dissout le faux objet scientifique, etc. Et puis maintenant, on est dans la pensée vraiment analytique, hein, on est sorti de toutes ces herméneutiques et tout ça qui sont quand même préhistoriques et qu'il faut laisser aux théologiens. Hein, et puis il y a l'autre auteur chez Marie, c'est Auger. Or, Auger construit le paganisme. Et il dit le paganisme, c'est le socle de l'homme. Alors il faut qu'il choisisse où il est dissous. Si Lévi-Strauss dissout l'objet religieux, il n'y a pas de paganisme. Ouais, je durcis, si vous voulez. C'est pas aussi simple que ça. C'est les, c'est les contradictions internes du débat laïque français par oui. M. Marché. Oui. Qui ressortent dans cette contradiction-là. Mais c'est une contradiction. Moi, j'ai quand même lu deux fois. Parce que moi, plus je vieillis, plus je lis lentement. Hein, et on ne dit pas assez lentement, que je crois, surtout dans cette matière-là. Hein, mais je me suis dit, et vous allez voir, je vous lis, je cite un texte de Marie. Et s'il l'avait été là, je lui ai dit quand même, mais je comprends son embarras. Moi, j'étais pris dans des contradictions comme ça pendant des années, à ne plus savoir sur quel pied danser, Lévi-Straussien, Girardien, je ne sais pas. C'est pas forcément toujours agréable. Hein, et puis, mais bon, faut pas perdre patience, quoi. Faut pas désespérer. Voilà. Ouais, parce que c'est difficile. Bon. On continue. Vous n'êtes pas fatigué? Non, pas ça va encore. Bon. Alors oui, le débat en aval maintenant, c'est un débat sur le sacré et l'idéologie, si vous voulez. Hein, que je veux dire. Et je pense qu'il faut compléter Girard par les Durkheimiens. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai écrit, mais je crois qu'un des bénéfices de ce débat girardien, c'est de nous obliger à relire l'héritage durkheimien et d'une certaine façon à le réactualiser. Alors, Girard prétend qu'il n'a lu les formes élémentaires de la vie religieuse qu'après avoir écrit La violence et le sacré. Ça me paraît un peu difficile à croire, mais bon, c'est peut-être une façon forte de dire qu'il n'était pas du sérail sociologique. C'est un chartiste. Bon. Alors, donc c'est incontestable que Girard réévalue Durkheim, que Lévi-Strauss dès les années 1945 a mis de côté comme archaïque, pesant, maladroit, bon, il faut lui pardonner parce que c'est un vieux, et puis c'est un peu ça. C'est étonnant, hein, il y a un texte qui est pu citer, qu'il n'a pas réédité, mais qui est dans une contribution à un volume collectif de Gurvitch sur la sociologie française. Hein, j'en parle dans mon bouquin. Le symbolique et le sacré, page 378-381. Comment il liquide Durkheim. Et puis, alors, comment il exalte Mauss. Alors, chez Girard, on a exactement la position inverse. Hein. Girard dit Durkheim, il a tout compris, ou presque. Hein. Et puis, Mauss, ben, son essai sur le sacrifice, c'est déjà du structuralisme. Et donc, il est en train de manquer l'objet. Il ouvre, il pave la voie hein, à. Comment dire. À l'escamotage, voilà, c'est ça, c'est le mot de Girard, c'est l'escamotage, la méthode structurale escamote le religieux. Et donc, Mauss, dans l'essai sur le sacrifice, commence ce processus d'escamotage du religieux. Alors, je pense quand même que pour ma part, repenser l'ensemble de l'héritage des Durkheimiens en le confrontant aux questions girardiennes aide à compléter Girard. Et je crois, c'est ça que je vais essayer de vous montrer, pourrait ouvrir une autre voie pour penser le problème de l'idéologie. Et donc, la première chose que je voudrais dire, c'est que je crois que l'interprétation de Lévi-Strauss donne de Mauss, que Lévi-Strauss donne de Mauss dans l'introduction à l'œuvre de Marcel Mauss, est quand même insuffisante. C'est un texte, évidemment, qui est d'une première importance, c'est, je crois, le texte qui a exercé le plus d'influence sur l'anthropologie française au XXe siècle, dans la seconde moitié du XXe siècle. Ah oui, ça, c'est vraiment, c'est une espèce d'évangile, là, c'est un Coran anthropologique. Hein. Et non, mais c'est tout le monde s'y réfère, enfin, Marie, Auger, enfin tout ça, c'est tout le monde est à genoux devant ce texte. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il balance à la fin de toutes les institutions humaines la religion. Quoi. On voit bien qu'il y a la pointe contre Durkheim. Hein, Durkheim l'avait mis au début, Bon, alors. Je crois que, d'abord, Mauss et Durkheim sont allés au symbolisme, d'abord par la religion et le droit, et non par la langue. Et ça, ça veut dire quelque chose. Donc, par la pratique sociale. Hein. C'est certain que Mauss a fait une place au phénomène langagier et à la linguistique sans commune avec, mesure avec Durkheim. Mais chez Mauss, l'approche de la langue n'est pas structuraliste. Elle n'est pas saussurienne, elle n'est pas phonologique, elle est philologique et elle est pragmatique. Dans les deux sens du mot, que Mauss n'a pas de théorie toute faite de la langue, il n'a pas une linguistique à sa disposition, donc il avance pragmatiquement, comme quelqu'un qui n'a pas de théorie. Et d'autre part, ce que Mauss sent et cherche, et là il y a du génie chez Mauss, il cherche une pragmatique du langage. Et non pas une théorie structurale. C'est-à-dire que pour Mauss, dire, c'est faire. Et c'est parce qu'il travaille sur les rituels et sur la prière qu'il est dans la pragmatique. Et ça, il cherche une pragmatique. Et il a... Vous voyez, donc, il y a les deux... Mais comme il manque de documents, il ne va pas pouvoir aller au bout. Il est un peu feignant, quand même. Alors, semble-t-il. Mais Mauss n'est pas dans la linguistique structurale, qui est une linguistique interne, au sens, c'est-à-dire la linguistique de l'énoncé, la linguistique de la langue, il est dans la linguistique externe, ce que Saussure appelle la linguistique externe, qui est la linguistique de l'énonciation, de la situation de parole, de l'interlocution. Dans la prière, on parle à quelqu'un, hein, ou à d'autres. Hein. Voilà. Donc, et je pense, et ça c'est Skubla qui a attiré mon attention là-dessus, mais que l'article de Descombes en 1980 sur l'ambiguïté du symbolique est fondamental parce que Descombes a très bien vu. Descombes n'a rien contre une théorie du symbolique, mais ce qu'il dit, elle ne peut pas remplacer un débat sur le sacré. Or, c'est ce rôle que lui fait jouer Lévi-Strauss. C'est ça le piège dans lequel moi-même je suis tombé. Enfin, j'ai joué le jeu à un moment. Quoi. J'ai dit, bah oui, peut-être qu'avec le symbolique, on va pouvoir se passer de la catégorie du sacré ou de la catégorie des ambivalences et des ambiguïtés. Alors, deux autres raisons qui me font penser que la lecture de Mauss par Lévi-Strauss est très insuffisante, c'est que Mauss est un penseur de la technique autant que de du symbole. Et c'est comme si l'héritage s'était séparé, le symbolique avait été capté par Lévi-Strauss et la technique était partie chez le roi Gourand. Alors que chez le roi Gourand, il y a très bien les deux situations, le geste et la parole. Hein? Alors évidemment, il a un handicap de préhistorien, parce que pour la parole, la préhistoire, on a fait mieux. Mais il en est très conscient et son anthropologie, de ce point de vue-là, est plus complète que celle de Lévi-Strauss. Voilà. Et Mauss savait très bien, comme Fratzer, que dans toutes les sociétés traditionnelles, il n'y a pas de technique sans symbolique. Il n'y a pas de technique sans symbolique, que le geste technique est toujours pris dans des fioritures symboliques qui heurtaient tellement l'utilitarisme de Fratzer. Enfin, c'est sauvage, pourquoi il faut qu'il mette des rituels autour de la technique? Moi, je pense qu'il faut, il faut chercher, comme le propose Mauss, il faut chercher du côté des rythmes. Ce qui est commun à la technique et au symbolique, c'est les rythmes. Un gars qui tape avec une pierre, il exerce des rythmes, le travail, les gestes du corps, etc. Et donc ça nous ramène à l'idée de Mauss, hein, et que dont Lévi-Strauss ne fait rien, Mauss est le penseur des techniques du corps. Il complète, il étend l'objet technique. Or, du côté des techniques du corps, on a cette jonction, hein, de l'instrumentalisation du corps, des rythmes et du symbolique. Bon, donc, vous voyez, alors, ce que je pense aussi, c'est que dans le symbolique et le sacré, je n'ai pas assez poursuivi la confrontation entre Girard et Mauss. Et moi, je crois qu'elle peut aider à compléter Girard sur deux points très importants. C'est que Girard est insuffisant dans la mesure où il ne reprend pas le grand débat, quand même, de l'anthropologie classique, des rapports de la religion, de la magie et de la sorcellerie. Girard ne parle que de religion. Or, il y a quand même un vrai débat. Hein. Et Mauss, lui, dit deux choses qui sont fondamentales. Il dit, au départ, on ne peut pas les distinguer. Elles ne sont pas distinctes. Et je crois qu'il a raison. On ne peut pas, au départ, distinguer religion, magie. Mais toutes les cultures font plus ou moins des différenciations après. Plus ou moins. Et en particulier entre sorcellerie et religion. Et donc, la magie et la religion et la sorcellerie sont très difficiles à distinguer, mais les directions dans lesquelles elles vont sont distinctes. Et elles peuvent s'opposer. Elles peuvent rentrer en conflit. Donc, les frontières sont toujours brouillables. Elles sont souvent brouillées. Et elles ne sont pas conceptuelles. Mais les directions dans lesquelles elles vont ne font guère de doute. Et moi-même, d'ailleurs là, je suis d'accord avec Marie a un très bon chapitre sur Fabre et Saada, mais j'ai essayé dans mon bouquin, et c'est quand même une thèse que j'aimerais qu'on discute un jour, parce que j'ai page 709 à 713, Fabre et Saada nous dit la sorcellerie dans le bocage est faite de quatre places, et seulement quatre. Il y a l'ensorcelé, la victime, il y a l'annonceur, dont elle a découvert le rôle, qui est un ancien ensorcelé qui dit au gars « Ah, ce qui t'arrive, moi je ne veux pas ce qui t'arrive, mon pauvre gars, je connais ça, ça m'arrive et tout. Hein? » Alors, c'est l'annonceur, hein, et qui pose le premier diagnostic, mais quand tu ne te tracasses pas, je connais un gars qui fait bien, hein, qui fait bien, etc. Et donc il le met en rapport avec le désensorceleur. Et il y a le désensorceleur, donc il va prendre contact, et puis qui va organiser tout son rituel et tout ça, et puis qui va symboliquement se farcir le sorcier, hein, l'éjecter, parce que voilà, on éjecte, on met de la séparation, hein, et donc on n'est pas loin du religieux, hein, et puis Fabre Saada dit, il y a la position du sorcier, mais comme elle dit, c'est pas une position d'énonciation, parce que personne ne revendique la position de sorcier, de sorte qu'on peut se demander si le sorcier existe. Et c'est ce que j'ai toujours à mes étudiants, au moins la sorcellerie c'est comme la religion, même si Dieu n'existe pas, elle existe, et donc il y a un sorcier ou un dieu pour le croyant. Hein? Donc voilà, et donc on est bien dans un système. Alors, ben, moi je dis ce système de quatre positions, hein, il rentre dans, c'est une complexification du modèle girardien. Chez Girard, Vous avez quoi? Un groupe et un bouc émissaire. Un groupe qui se divise sur un bouc émissaire qui est son agresseur et qui l'éjecte. Hein? Eh bien, le groupe, c'est le chef de famille qui est la victime, d'ailleurs chez Gérard, le groupe se trouve toujours en victime agressée par le bouc émissaire. Le bouc émissaire, hein? Le soleil est un ancien ennemi des hommes qui leur voulait du mal. Hein? Bon. Et donc, l'annonceur est un dédoublement de la victime, puisqu'il a été lui-même ancienne victime, hein, et qui représente une sorte d'institutionnalisation de la sorcellerie. Il représente la mémoire institutionnelle de la sorcellerie, et il joue un rôle colossal dans la reproduction de la sorcellerie par son diagnostic qu'il actualise à chaque fois. Hein. Et le désensorceleur, l'anti-sorcier, est un sorcier retourné pour la bonne cause. Il a tous les pouvoirs du sorcier, et c'est pour ça que les gens s'en méfient. Et ils le testent, parce qu'ils savent bien qu'il est aussi puissant et aussi maléfique que le sorcier. Mais s'il est retourné dans le bon sens, il a une inversion pharmacologique, si j'ose dire. En mettant ça à ça, hein, il va devenir un défenseur. Et donc, on passe du schéma à deux places au schéma à quatre. Pour ça, je crois que c'est très important. Hein. Et voyez comment on peut considérer une approche, je dirais, génétique, enfin idéalement génétique, avec une approche structuraliste comme ça. Et on sort de ce qu'il y a d'exclusif dans la méthode structurale. C'est d'autant plus important que Marie, dans son bouquin, commentant Auger, ne cesse de répéter qu'en Afrique noire, le prophète est un désensorceleur d'abord. Donc il est sorti du modèle, de ce modèle-là quelque part. Le prophète se présente toujours comme un anti-sorcier. Donc vous voyez, il y a des arguments pour montrer que tout ça n'est peut-être pas que de la rêverie. Hein, et qu'en tout cas, il y a des relations complexes. Et, vous voyez, il y a ces retournements de rôle et de fonction. Hein. Puisqu'on part d'un modèle où justement il y a une ambiguïté fondamentale, on doit pouvoir toujours arriver au moins à deux structures opposées. Ben, le sorcier, l'anti-sorcier, mais ils viennent du même. Et ils sont souvent pris pour le même. Parce que quand vous allez voir le sorcier... Il n'y a personne qui ne se dit sorcier, mais une fois de temps en temps, j'ai bien connu ça dans mon enfance, il y avait quand même des gars qui recevaient une vlopée, comme disaient les copains. C'est-à-dire que les copains lui faisaient sa fête. Hein, et il avait mal aux côtes pendant 8 jours. Hein. Et ben, justement, le sorcier se présente toujours comme la victime. C'est ça le retour. C'est ça qui est un... Ah ben évidemment. Et ben, il est forcément victime des autres. Tout le monde est victime dans la sorcellerie. Mais c'est ce qui se passe en France aujourd'hui. Vous n'avez plus que des victimes. Enfin, tout le monde est victime de... Ça va mal. Dès que ça va mal, tout le monde est victime. Si c'est pas moi, c'est vous. Si c'est pas vous, c'est moi. Si c'est... Bon. Alors, donc, oui, alors l'autre faute que ne traite pas Girard, c'est que nulle part Girard ne traite des rapports du politique, du religieux et de l'économique. C'est-à-dire que la différenciation des ordres devient... Or, chez Mauss, Mauss est très conscient du problème. Bon, alors, vous voyez, tout ça peut engager des débats qui me paraissent très importants pour la suite. Mais ce que je voudrais dire, quand même, c'est ce que j'ai à vous dire sur l'idéologie. Parce que c'est ça, et on va discuter là-dessus et conclure là-dessus. Je crois que la conséquence la plus importante d'une relecture durkheimo-maussienne de Girard, c'est de nous permettre de réorienter les sciences sociales des religions sur ce qui me paraît leur centre et que j'appelle un point de vue pharmacologique. Elles devraient l'élaborer plus méthodiquement car ce point de vue offre probablement ce qu'elles ont de plus décisif et de plus spécifique à apporter aux sciences de l'homme. S'il y a une proposition théorique ou plutôt programmatique dans mon livre, elle se trouve ici, dans la contribution des sciences des religions à une pharmacologie à construire à partir des religions d'abord, mais qui, en sortant du domaine des religions, pourrait aboutir à une anthropologie du point de vue pharmacologique. Alors, ambitieux. Bon, j'ai employé ce mot, hein, de pharmacologie à plusieurs reprises. Il existe évidemment une pharmacologie des pharmaciens, qui est une science de la nature liée à la chimie, à la physiologie, qui étudie les drogues et les poisons, mais aussi leurs effets curatifs sur l'organisme. Elle touche aux sciences sociales quand elle passe aux usages, aux pratiques coutumières, aux aires de diffusion. Dans mon livre, en réfléchissant aux rites et aux sacrifices, j'ai proposé la notion de pharmacologie avec un K, et précédé d'un astérix comme un néologisme, parce que je travaillais à partir des boucs émissaires et de l'hypothèse girardienne. Mais les deux sont liés quelque part, vous allez voir. Alors, je dois dire, pour ma confusion, que quand j'ai écrit ces pages, je n'avais pas lu l'article fondateur de Derrida sur la pharmacie de Platon, hein, dans la Dissémination, 1972. Bon, c'est le problème, c'est le problème de l'écriture. Or, Derrida analyse la lettre 7 et le Phèdre, hein, où Platon se place au point de vue de l'âme et de la thérapie, et où Platon dit « j'ai des réserves à faire sur l'écriture ». C'est une technique qui peut avoir des effets désastreux. Pourquoi ? Parce que compte tenu de la préexistence des âmes, les âmes gardent une mémoire obscure de leur vie antérieure. Le salut pour l'homme consiste donc à cultiver intensément sa mémoire pour retrouver le trajet et les épreuves de l'âme et la libérer, la ramenant à son origine par la réminiscence. Alors je passe sur tous les problèmes. Or, l'écriture déplace la mémoire et les discours qu'elle produit de leur site dans l'âme sur des supports artificiels extérieurs au sujet. Elle fabrique des hypomnémata, dit Platon, c'est-à-dire des sous-mémoires, des moindres mémoires, comparées à l'acte complet de la réminiscence, de l'anamnésis, de l'anamnèse. Et donc, elle va détourner l'homme de son salut. De plus, l'écriture permet d'arracher le discours à la situation d'énonciation. Elle l'émancipe de la relation interpersonnelle normale. Et par là, elle réduit ses vertus anamnésiques. Et enfin, elle livre le discours sans défense, sans protection. Pour Platon, un texte écrit, c'est des enfants qui n'ont plus de père, n'ont plus de défenseur. Ils circulent partout. Et ils sont livrés à n'importe qui. Et par conséquent, à tous les détournements de sang. Bon. Alors vous voyez que la pharmacie de Platon est liée à un mythe, qui est le mythe de l'âme. Mais ce qui est plus important, c'est que l'idée de pharmacie chez Platon, elle est partout. Elle n'est pas que pour l'écriture, elle concerne toutes les techniques, elle concerne l'art. Platon pense qu'il n'y a pas d'activité humaine qui n'ait sa pharmacie. Et donc la portée de l'article de Derrida déborde la problématique de l'écriture qui est exclusivement la sienne. Et c'est ce qu'a très bien compris un disciple de Derrida, qui est le philosophe Bernard Stiegler. Je ne sais pas si vous avez entendu son nom, et qui a écrit quelques ouvrages, justement, où il étend la notion de pharmacologie. Parce que lui, c'est un philosophe de la technique. Et il explique que, justement, ce qu'on craint aujourd'hui, ben, c'est du débat pharmacologique sur non-technologie. Alors, vous voyez qu'il y a là une réflexion pharmacologique qui se met en place dans des domaines très variés, philosophie, etc. Et moi, par mon propre chemin, et d'ailleurs n'ayant pas lu Derrida, mais ayant lu Girard, ben je suis arrivé aussi à l'idée de pharmacologie, mais par le pharmacos. Alors évidemment, comment dans les sociétés traditionnelles, le passage s'est fait entre le pharmacos poison-remède et les pharmaca poison-remède, ça c'est un immense débat que nous n'ouvrirons pas ici et qu'il faut laisser aux indianistes, aux ceci et aux cela, hein, aux spécialistes. Hein. Et mais ce que je voudrais dire, c'est en quoi ça nous concerne pour une théorie de l'idéologie. Je crois que la théorie de l'idéologie est aujourd'hui un peu au point mort, après l'effondrement du marxisme, alors que Althusser et d'autres l'avaient relancée. Et devant le triomphe de la pensée libérale, dont à mon avis c'est un dogme de dire qu'il n'y a pas d'idée, qu'il n'y a plus d'idéologie. C'est une espèce de rengaine qui revient constamment qu'il n'y a plus d'idéologie. C'est, pour moi c'est totalement fabuleux, totalement onirique, si vous voulez. Alors qu'on est tous pris aujourd'hui dans des problèmes jusqu'à la gorge d'écologie, d'empoisonnement, de tout ça, on ne parle que de ça dans le quotidien, mais il n'y a plus d'idéologie. Alors, donc, mais pourquoi ? Ben c'est parce que le libéralisme, c'est la croyance que si on libère la liberté, l'espace social sera sans pharmacologie. Il n'y a pas besoin de pharmacologie. Et il n'y en a pas. Alors, ce que je veux dire, c'est que les théories de l'idéologie se sont construites et se construisent toujours sur deux. Enfin, il y a trois grands points de vue. Un, c'est du point de vue cognitif, l'idéologie, c'est ce qui vient perturber la connaissance exacte, donc c'est l'impureté de la connaissance, hein, donc il faut chasser cette impureté, bon, c'est le point de vue... Et puis, l'idéologie, c'est les théories de l'action. Et dans les théories de l'action, il y a deux points de vue, l'idéologie sert la domination, c'est le vieux point de vue marxiste, mais l'idéologie aussi, quelquefois, hein, elle a produit des mouvements messianiques, etc., elle soude les hommes, et elle permet des soulèvements, elle permet des mouvements. Alors, moi, je crois que, justement... Alors, ça, c'est les deux théories. Et pour expliquer quoi, c'est qu'on est pris dans le problème de l'idéologie sur deux conceptions. Une conception qui nous dit qu'il y a des idéologies partout, il y en a eu dans toutes les sociétés, et puis celle qui nous dit l'idéologie est un phénomène moderne qui est, en gros, contemporain de la Révolution française et et de la révolution industrielle, c'est le libéralisme, l'industrialisme, le socialisme, etc. Ces grandes idéologies séculières, ces religions séculières, et c'est bien lié à la sortie de la religion. Alors là, il y a quelque chose, je crois, qui est un nœud fondamental et que l'approche pharmacologique peut éclairer, parce que précisément, le paradoxe des idéologies modernes, européennes modernes, de ces deux derniers siècles, c'est de prétendre faire le salut du monde en le fondant sur une loi de la nature, c'est-à-dire en niant la pharmacologie, mais d'en proposer une quand même. Et là, il y a quelque chose à voir, oui. Mais parce que tout, finalement, désigne quand même la cause du mal. Pour les Lumières, c'est l'ignorance, ou le fanatisme, ou l'intolérance. Pour les industrialistes, c'est la paresse ou l'improductivité des sociétés traditionnelles. Pour les autres, c'est le capital. Hein. Pour les autres, c'est la société bourgeoise. Alors après, c'est la race. Après, c'est... Vous voyez, elles ont toutes... Et c'est pour ça qu'elles ont eu des dérives quand même colossales. C'est que, commençant comme des discours scientifiques ou parascientifiques qui allaient trouver la cause objective du mal, elles sont retrouvées prises dans des jugements sur, finalement, des mécanismes quelquefois extraordinairement primitifs, enfin, de désignation, type sorcellaire, à la limite, enfin, beaucoup plus raffiné que nos histoires de sorciers. Alors, je crois que moi, la question que posait Arne Tusser, au fond, dans son fameux article, il faut réfléchir à ce que c'est que des idéopharmacologies. Ces idéologies sont des pharmacologies. Et donc, je crois qu'il y a là quelque chose qui peut... Alors, on peut aller plus loin. Ça veut dire que derrière ces idéologies, comme ces pharmacologies, il y a des mécanismes de défense. Il faut réfléchir à ça. Pourquoi on les jette? Pourquoi on commence par dire « ça, c'est mauvais ». Ça, c'est... Et c'est bien ça que la science met de côté, ou met entre parenthèses. La science n'est possible que si on peut mettre entre parenthèses hein, ces mécanismes d'éjection, ces mécanismes de défense, qu'on laisse venir l'objet sans vous êtes d'accord, vous voyez. Et vous voyez pourquoi je pense qu'il faut reprendre le débat, et y compris le débat entre sciences sociales et langues. Ça ne se joue pas au niveau de la phonologie. Par contre, il y a un domaine où ça se joue beaucoup, ça, c'est la rhétorique. Tous les rhéteurs savent qu'on ne peut pas prendre la parole si on n'a pas une captatio benevolentiae. Qu'est-ce que ça veut dire, une captatio benevolentiae? Ça veut dire que je vous apaise, ça veut dire que je vous calme, ça veut dire que je vous mets en confiance, ça veut dire que j'endors vos mécanismes de défense et qu'à ce moment-là, vous commencez à me prêter l'oreille. Donc, on peut réfléchir sur ces mécanismes-là, et je crois que ça nous aiderait à réfléchir sur ce qui est les causes, sur certains facteurs de violence, d'incompréhension et de difficulté de dialogue entre les religions ou les non-religions et les religions, etc. Donc, vous voyez, il y a des prolongements tout à fait actuels. Mais ce que je voudrais dire, pour conclure, c'est que le structuralisme orthodoxe, donc, ne croit pas que l'ordre religieux soit plus... Enfin, croit que l'ordre religieux est plus pauvre que l'ordre du mythe et l'ordre totémique. Moi, je crois au contraire qu'il est beaucoup plus complexe. Hein. Et ça, je le prétendrai contre Marie. Et que Lévi-Strauss dit, c'est parce que la religion prétend fonctionner au réel et non au symbolique que sa pensée peut être dite fausse. C'est un très bon commentaire de Marie sur la position de Lévi-Strauss. Eh bien oui, la religion se trompe souvent. Les religions se trompent souvent dans ce qu'elles désignent comme étant le mal, comme les gens de la sorcellerie se trompent souvent en disant où est le sorcier. Hein. Mais n'empêche que c'est récurrent. Et c'est là, par conséquent, il faut poser cette question de la pharmacologie qui me semble être le véritable noyau à partir duquel on peut poser les questions d'une anthropologie de la religion. Et finalement, je voudrais vous citer un texte de Marie qui finit dans son commentaire d'Auger. Je vous en ai donné les présupposés tout à l'heure, en disant qu'Auger, donc auteur du génie du paganisme, est bien convaincu qu'il y a un paganisme fondamental qui obéit à un principe d'immanence, hein, un principe de d'indétermination essentielle du noyau initial, hein, qui est justement bon ou mauvais, mais qu'on peut pas... Voilà, il n'a pas de morale dualiste qui sépare le bien et le mal, mais ça tourne tout le temps, hein, un principe d'immanence, etc. Et donc, et qui prétend que c'est un socle anthropologique. Or, Marie écrit, page 195, commente. Alors, qu'est-ce qu'il ajoute quoi à ça Auger. Deux dimensions prennent une importance particulière dans les analyses d'Auger, modifiant parfois le triangle de base, subdivisant l'une des trois branches ou les court-circuitant. La conception persécutive du sens du mal lie rapport de force et rapport de sens. Autrement dit, dans le paganisme, il y a toujours à l'horizon du paganisme, il y a la sorcellerie. Bon, eh bien, je vous ai montré que cette espèce de mélange de sorcellerie et de religion, c'est bien ce dont nous parle Girard. La conception persécutive du sens du mal lie rapport de force et rapport de sens et engage la relation de soi et aux autres en faisant l'économie de la culpabilité individualisante. Dans ce monde, la question « qui est l'autre ?» a pour formulation première « quel est l'autre qui me veut du mal ?» C'est la question de la sorcellerie. Et c'est la question du bouc émissaire. Qui c'est cet intrus? Qui c'est cet étranger? Qui c'est ce salaud qui vient... Voilà. Hein? Donc, quel est l'autre qui me veut du mal? C'est Marie qui écrit ça. Ensuite, la lecture de l'événement, la maladie, la sécheresse, l'épidémie, l'accident. C'est ça la pharmacologie. C'est où est le mal de la maladie? Où est le mal de la sécheresse? Où est le mal de l'épidémie? Où est le mal de l'accident? Hein? Comme signe à interpréter par les procédures de divination, est aussi toujours en lien pour chacun avec les autres proches et parfois avec les promesses d'un avenir collectif ou d'une délivrance annoncée par une lecture prophétique. Mais avec le temps et les reformulations successives du triangle anthropologique, la conscience persécutive du mal, l'épistémé de l'immanence et l'événement signe, c'est finalement le rituel incarnation de l'ordre symbolique et social, y compris dans les sociétés modernes, qui finit par être le paradigme du paganisme, sinon de toute religion. Autrement dit, Marie, résumant Auger, hein, tombe exactement sur le même noyau que Girard, évidemment, avec d'autres moyens, hein, et peut-être moins clairement, mais a quand même essayé de dégager. Et on est là, très loin de Lévi-Strauss. Le schéma persécutif, hein, l'importance du rituel, etc. Et alors là, c'est le coup de grâce. La vérité, je continue, c'est Marie, est que le paganisme défie toute analyse structurale. Car, alors, ça... Alors, quand c'est Auger qui le dit, c'est vrai. Mais parce qu'il y a une ambiguïté autour du terme de paganisme. Quoi ? Il y a une ambiguïté autour du terme de paganisme. Oui, non, mais on voit bien que là, c'est une anthropologie qui essaye, dans un contexte culturel particulier, de se sortir d'une référence religieuse, oui. J'allais dire au nom de tout ce que vous avez expliqué, qui est le structuralisme, mais aussi au nom d'une tradition, qui est une tradition laïque. Laïque, bien entendu. Et c'est vraiment frappant. Échapper au prisme chrétien. Voilà, c'est quand même frappant, c'est qu'en réalité, on essaye de retrouver dans l'anthropologie un discours qui va pouvoir connaître le religieux, oui. Qu'il soit religieux ou chrétien. Exactement. Oui. C'est comme ça que je... C'est vraiment une entreprise très, très. De neutralisation, disons, de la présence du dispositif juif et chrétien dans l'approche du religieux dans les sciences sociales. C'est pour ça que j'ai pas ouvert le débat là-dessus sur paganisme et christianisme. Alors on voit bien pourquoi. On voit bien pourquoi. Et on voit où est le conflit évidemment radical entre Girard et Auger, parce que Girard fait une théorie du paganisme au nom d'une tradition monothéiste qui blinde, et l'autre fait une théorie du paganisme au nom de les faire échapper à la tradition monothéiste. Ce qui d'ailleurs permet aussi de comprendre l'extraordinaire succès de Girard aux États-Unis. Ah bah oui. Et doublement d'ailleurs, parce que au fond, il bétonne au fond justement ce que Auger cherche à expulser, c'est-à-dire ce prisme chrétien. Et par ailleurs, il neutralise le politique. Oui. Donc, il fait deux opérations qui sont extrêmement performants dans le contexte des départements de Religious Studies, des universités américaines. La neutralisation du politique, c'est très très clair, parce que la charge de Girard contre le structuralisme, elle a un succès énorme aux États-Unis, elle n'en a pas en France, parce que la charge énorme menée dans les mêmes années en France, c'est les marxistes hétérodoxes, qui eux, au contraire, réhabilitent le politique, la dynamique sociale, etc., contre l'anhistoricisme du structuralisme. Non, mais précisément, cette critique politique, elle n'est pas du tout bien perçue dans les département, je dis bien dans les départements de religious studies, parce que dans d'autres secteurs de l'université américaine, ça ne se présente pas comme ça. Ça m'a frappé en vous entendant à quel point ça permet de comprendre pourquoi il a un succès pareil aux États-Unis, où il est quand même. Mais si on laisse tomber, si vous voulez, le rapport entre christianisme, monothéisme et paganisme, ce qui me semble quand même très intéressant, c'est quand même que, justement, j'ai dit bien, le cœur du système du paganisme, c'est le rituel. Oui. Hein? Mais, et la vérité est que le paganisme défie toute analyse structurelle, car il a pour caractéristique fondamentale de n'être pas dualiste, sans ignorer pour autant les écarts qu'il définissent, l'ambiguïté, ni vraiment l'un, ni vraiment l'autre, et l'ambivalence à la fois l'un et l'autre, incarnés par les dieux et les héros, sont au cœur du système. Donc on est bien dans le sacré. On est bien dans le... Voilà. Absolument. On est revenu dans quelque chose qu'on avait pensé rejeter. On est... La circularité. Alors, voyez, on est revenu dans la circularité, exactement. Alors, donc, voyez, Marie, apparemment, ne semble pas avoir de contradiction entre Auger et Lévi-Strauss. Or, je crois quand même qu'ils sont très loin. Auger essaie de constituer le paganisme en socle anthropologique. Lévi-Strauss dissout ce socle. D'une certaine façon, c'est vrai que dans Lévi-Strauss, il y a une sorte d'offensive... Hein, contre une espèce de religion entre guillemets naturelle qui est assez curieuse et je crois que c'est ça quand même qui est au cœur de ces difficultés et de la fameuse ambiguïté qu'a relevé Stoichkovski à propos de ces deux discours à l'UNESCO. C'est cette contradiction qui a enfin décelé dans la mission de l'UNESCO, d'où ces deux discours et le scandale que ça a créé. Dans la première mission, ça allait dans le sens de l'universalisme de l'UNESCO, et dans l'autre, il dit ben non, il faut reconnaître au peuple des traditions primitives le droit de se séparer, le droit de se mettre à part, de sauver leur peau, de se défendre, et toutes les cultures ne sont pas égales. Alors, je dis quoi, Lévi-Strauss est passé au Front National. Non, mais ça a été dit. Oui. Alors, évidemment, vous voyez, mais je crois que cette contradiction, elle est au cœur de sa démarche. Du coup, on a été recherché sa détestation de l'islam présente dès ses premiers ouvrages. Ouais, c'est intéressant parce que moi, par rapport à Lévi-Strauss, évidemment, je travaille sur le Brésil et j'ai beaucoup de personnes parlent justement des œuvres de Lévi-Strauss qu'elles connaissent très bien. Et il y a une chose qui a été faite peu de temps avant sa mort et qui est un film qui a été fait par un cinéaste ethnologue brésilien. Et je dois dire que moi, ça m'a un peu... Je ne suis pas particulièrement structuraliste, ayant travaillé dans une société hyper complexe, etc. La binarité, ça ne fonctionne pas très bien. Mais surtout, dans ce document, il dit ce que les Nambiquara ont représenté pour lui. Les Nambiquara, c'est une des populations qu'il a travaillé dans Tristotropie. Et il en parle d'une façon tellement touchante. Moi, je suis allée écouter Lévi-Strauss plusieurs fois et je dois dire que, bon, on a toujours des rapports avec les personnes qui font des exposés et je n'avais pas d'empathie du tout. Autant j'avais des empathies avec Bastide, j'en avais pas du tout avec Lévi-Strauss. Et là, tout à coup, je me suis complètement réconciliée avec Lévi-Strauss à travers ce qu'il disait de ce que cette population a représenté pour lui, qu'on ne ressent pas du tout dans ses œuvres plus générales, mais de ce que ça a représenté, c'est-à-dire tout à coup on a vu un Lévi-Strauss qui est un Lévi-Strauss, disons, avec des affects qu'il est capable d'exprimer. Et ça, c'est quelque chose, enfin je ne sais pas si vous l'avez vu, ce document, il est passé ici juste après sa mort. Mais c'est vraiment très intéressant de voir par rapport à tout ce que vous venez de dire, la dimension intellectualiste, et comment à un certain moment cette dimension intellectualiste elle a disparu, elle lui a permis d'exprimer des choses qu'il avait de son propre vécu. Et c'est quelque chose, c'est intéressant parce que ça pose vraiment le problème de la coupure positive chez un auteur. Marie a beaucoup de choses à dire là-dessus, à la suite de, sur ces problèmes de coupure, qui sont chez les ethnologues comme chez leurs étudiants. il a des bonnes pages, Marie, dans son bouquin sur où il parle, quand il parle de Bastide. C'est Bastide qui a théorisé ça. Je veux revenir à la question du complément à Girard, religion, magie, sorcellerie. Oui. On complète Girard parce qu'il n'a pas fait le pas. Oui. Et pourquoi avoir manqué magie et sorcellerie, sa référence exclusive à ce monothéisme qu'est le christianisme, cette impossibilité de voir dans la tradition chrétienne rapport avec la sorcellerie, comme vous expliquez. Oui. Girard n'est quand même pas un ethnologue de terrain, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un lecteur. Mais c'est vrai que ça pose quand même des questions, parce que le problème de la magie et de la sorcellerie, c'est, ça traîne dans les sociétés chrétiennes quand même. Ce pagano-christianisme, enfin jusqu'aux réformes, tout le monde s'en est plus ou moins arrangé. Et puis à partir du 16e, 17e siècle, c'est devenu le grand scandale. Et donc ça a créé quand même beaucoup de difficultés. Donc c'est vrai que c'est pour ça, je pense qu'il y a d'énormes lacunes chez Girard. Enfin. Mais pourquoi il n'a pas articulé un peu plus le problème ? Même son rapport au christianisme de façon générale, il est complètement abstrait en un sens. Oui, c'est-à-dire qu'il parle très peu du christianisme vécu. Lui aussi, il a ses principes de coupure qui sont très forts. Parce que j'allais dire là, il raisonne sur la théologie chrétienne. Ça pose des problèmes vraiment très très intéressants qui sont d'abord la commutation religion-magie, ouais. Et puis le problème de l'émergence du fait de sorcellerie à l'intérieur d'une tradition historique. Mais bien sûr, qui ont été bien discutés ces 20 dernières années. Et qui n'est même pas un phénomène exclusivement lié à la période antérieure aux réformes. Je pense quand même qu'il y a une espèce de christianisme. Je crois que la sorcellerie, on n'est jamais sûr. De toute façon, moi je pense que quand même la différence de la religion, je l'ai dit quelque part dans mon texte, mais pour moi la différence de direction, la sorcellerie et la magie et la religion commencent un peu de la même façon, c'est-à-dire on se sépare d'une force invasive, dangereuse, jugée comme agressive. Mais il y a religion à partir du moment où le groupe peut, par des biais de rituel justement, amadouer et donc substituer un autre rapport qui devient petit à petit un rapport de confiance et qui peut aller jusqu'à un rapport de don, de contre-don, de contrat, etc. Tandis que dans la sorcellerie, quand elle se radicalise, elle va à l'expulsion et elle va à la mise à mort. Et il n'y a pas de deuil, c'est ce que je dis dans mon bouquin. D'ailleurs, même dans la sorcellerie du bocage, c'est très intéressant. Quand les gens racontent leur mythologie du sorcier, le sorcier... Il a enterré à la va-vite, il a enterré comme un chien, il n'y avait personne à son enterrement, où tout le monde rigolait. Vous voyez, il n'y a pas de deuil du sorcier, il n'y a pas d'intériorisation, il n'y a pas d'intériorisation de l'ennemi. Tandis que dans la religion, il y a une intériorisation de l'ennemi, enfin, il y a une reconnaissance à un moment ou à l'autre de l'adversaire, si vous voulez. Et c'est ce qui fait que c'est vivable, enfin. Tandis que dans la sorcellerie, c'est jusqu'au bouddhisme. Donc, et d'ailleurs, l'image de la sorcellerie, c'est ça. C'est, les gens disent ça, faut brûler, ils jettent les cendres, on disperse, faut annihiler le mal. Vous voyez. Donc c'est radical. Et ça, je crois que c'est une différence fondamentale entre ce qu'a été la démarche sorcellaire et la démarche religieuse. C'est vraiment ce que je dis, c'est différence de direction. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'une religion comme le bocage, Jeanne Fabre-Sader travaillait, est une région dans laquelle il y avait un catholicisme très ancré. Ah oui, oui. Donc, c'est-à-dire religion... Très ancré, elle montre au moins deux catholicismes. Oui, il y en a deux ou trois. C'est la pluralisation. Oui, ouais. C'est très intéressant, son journal de terrain, là, on parle de cas de référence au catholicisme. Mais il y a quand même dans le bocage, c'est très clair, il y avait un vieux fond là qui a quand même pas d'âge quelque part, même si la sorcellerie a évolué, mais que c'est C'est, moi, je connais, c'est mon pays. Hein, c'est le Don Frontet. Moi, je suis né à côté de Don Front. Alors, chez nous, c'était les histoires de sorciers, les histoires de fraudeurs, hein, les gars qui faisaient la goutte, etc. Donc, c'est le bocage. Ah oui, ça, c'était le... Mais, justement, il y a plusieurs catholicismes. Il y a plusieurs dans cette région. Oui, c'est ça, c'est clair. Oui, oui, oui. Mais la pratique institutionnelle continue. Mais il y a quelque part ce vieux socle-là de... Qu'est-ce qu'il me veut, quoi. Il n'y a pas... Ben voilà, mais c'est-à-dire que ce n'est pas exclusif l'un de l'autre. Oui, non, ils conciliaient ça à leur bien façon. Sûr. Complètement, complètement. Tout à fait. Moi, j'aimerais bien revenir sur l'hypothèse pharmacologique, là, sur la proposition programmatique et pharmacologique, parce que, finalement, il me semble que, bon, dans l'idée... Cette proposition programmatique, elle vise à essayer... de se donner les outils pour penser l'ambiguïté, l'ambivalence, l'incertitude liée à la réversibilité toujours possible des dispositifs de sens et des dispositifs d'action. Absolument. Bon. Alors ça, ça me paraît... Il me semble que quand même il y a la réflexion sur l'idéologie des éléments intéressants à chercher du côté de la pensée de l'utopie, pour le coup. Oui. Et dans le rapport... pour le coup, l'utopie, en un sens, c'est pharmacologique. Ben parce oui. que ça consiste finalement à mettre en place un mécanisme de défense et d'éjection de ce qu'on refuse du présent, en vue de le renverser pour un renouvellement et une réinvention. Parce que je pensais, en vous écoutant à propos de ce fonctionnement pharmacologique, je pensais au bouquin de Mannheim sur idéologie et utopie. Il y a quelque chose d'intéressant chez Mannheim dans la tentative pour dire il y a deux systèmes, il n'y a pas que l'idéologie qui endort, qui est complètement corrélée à la puissance dominante. Il y a aussi tout ça il y a tout ce potentiel utopique avec la réversibilité d'ailleurs toujours possible de l'utopie dans l'idéologie. Réveil de l'idéologie. Ça me paraît si éloigné que ça. Moi, je crois qu'il y a deux utopies, deux formes d'utopie. Il y a les utopies combatives qui disent justement la dernière lutte, quand on aura éradiqué la dernière cause du mal, on va passer tout de suite dans le. Voilà. Et donc, elles sont très combatives parce que justement, elles sont. Et puis, il y a les utopies du mode de libéralisme. Le libéralisme, qui moi je crois, est l'utopie qui gouverne notre monde, et qui est de dire l'idéal, c'est d'arriver à un monde apharmacologique. Il n'y a plus besoin de pharmacologie. Laisser la liberté, ça va se régler tout seul. Ça va se neutraliser tout seul. Et donc, que ce soit la concurrence, que ce soit, etc., les microbes, ils vont se bouffer entre eux. Donc, ça va s'auto-réguler. Et ça, c'est vraiment une proposition totalement nouvelle et, à mon avis, totalement inédite avant l'époque moderne. C'est pour ça qu'il y a vraiment une radicale nouveauté, quelque part, et c'est une utopie. Parce que c'est l'idée que, quelque part, l'espace social, laissé à la liberté spontanée, des marchés, des ceci, des cela, des acteurs... va être un espace apharmacologique et tout le monde pourra communiquer avec tout le monde. Tout le monde échangera avec tout le monde. Sauf que, c'est quand même, je crois, le nœud. C'est ce qu'on retrouve dans l'émergence de cette idée de Dieu comme grand architecte de l'univers qui a été repris chez les économistes. C'est-à-dire que, de toute façon, le marché arrive à l'équilibre. Et c'est pour ça que l'économie libérale est une rupture avec le politique et le religieux qui est infiniment plus profond, sans précédent. Parce que dans tous les autres systèmes, il y a une pharmacologie, qui vient du religieux, soit qui vient du politique. Et eux, ils disent qu'il n'y en a pas besoin. Et ça, c'est une proposition, à mes yeux, inouïe, si vous voulez, en ce sens, quand on regarde des vieux systèmes. Et c'est une mathématisation, on voit très bien pourquoi la mathématique a été utilisée, c'est une mathématisation de la place divine dans l'univers qui est le grand architecte, c'est-à-dire celui qui a établi des lois pures et parfaites. Il suffit de laisser fonctionner, de revenir au bon fonctionnement des lois, et l'équilibre est réalisé, et donc il n'y a plus besoin après de rédempteur. Oui, oui. Mais C'est la contradiction de Lévi-Strauss. Ouais, quelque part, les structures fonctionnent toutes seules, ça va très bien. Ouais. Lévi-Strauss est très proche des libéraux, parce qu'il met une rationalité au centre de toute la culture qu'est l'esprit humain, et ça fonctionne tout seul, ça s'auto-régule, etc. Et puis à côté, il voit quand même les peuples primitifs disparaître, et il voit parfaitement la misère du monde, mais il ne peut pas, relier les deux. Et ça, c'est son rationalisme. Il y a un côté 18e siècle chez Lévi-Strauss, complètement. Comment gérer l'ambiguïté? Parce qu'il n'y a plus d'ambiguïté. Mais voilà, comment gérer l'ambiguïté dans le système où il n'y a plus d'ambiguïté? Où elle ne doit pas être là. Ah non, c'est une question. C'est pour ça que je dis qu'il faut reposer, après Girard et tout ça, reposer la question des grandes sphères. Enfin. Bon, moi, tout ça, je fais ça, si vous voulez, parce que maintenant, je voudrais. Mais c'est titanesque, et genre, j'ai plus le temps de dormir, parce que bon, je veux essayer de confronter mes hypothèses avec Weber. Parce que c'est là que ça se passe. Vous comprenez? Parce que lui, il sent tout ça, tout le thème de la théodicée. La théodicée, c'est l'aboutissement de la pharmacologie. C'est la sublimation de qui Weber. Vous confondez tout ça à Weber. Bah oui. Ah, ça c'est clair. Voilà, mais c'est un petit peu ce que je suggérais tout à l'heure en disant, mais au fond, si vous faites un travail d'analyse régressive des traditions qui ont mené à ce blocage structuraliste, ça suppose aussi de voir comment s'alimentent aussi d'autres traditions. Oui, oui. Parallèlement. Parce qu'on voit bien, là, on est dans une logique qui est une logique de blocage de Durkheim. Mm-hmm. On voit quelque chose de très français qui peut s'exporter, ça peut s'imaginer. Mais il y a parallèlement une autre tradition qui est la tradition weberienne. Ah, ben complètement. Et c'est pour ça que je voudrais, avant de poser ma plume, essayer dans un an ou deux qui viennent, là, de rédiger quelque chose, un bouquin qui devrait s'appeler « Questions weberiennes », un siècle après, la sociologie de la religion de Max Weber et nous. Mais ce n'est pas un bouquin sur Weber, vous avez bien compris. Parce qu'il y a des présentations, il y en a des tonnes, excellentes. Mais c'est confronté à mon modèle, quoi, ce modèle girardo-moussien. Et je recoupe constamment le paradoxe de Weber. Par la science est wertfrei, mais en même temps, le savant a nécessairement un rapport aux valeurs. C'est le problème de la pharmacologie. Bon, les valeurs, c'est ça. Hein, les valeurs, c'est ça. Et puis, il y a le caractère inéliminable de la violence. La guerre des dieux, le caractère inéluctable, voilà. Hein, donc tous ces thèmes-là reviendraient, on les a chez Weber. On prend date. Hein, on prend date. Ah oui, mais...